Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Qu'est-ce que. On sent le printemps et tout là, ça ouais, c'est juste que tout le monde a rallumé son chauffage à la maison. C'est horrible. Neige à Carcassonne. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Non, mais c'est violent. Ouais, il neige, ouais. Et j'ai vu. Non, mais tout à l'heure à la maison, moi j'ai remis la veste. J'avais la veste à l'intérieur. Je me dis le temps d'allumer, de toute façon, ce sera jamais chaud avant que je parte. J'ai remis la veste. C'est dur quoi. Putain, j'étais jusqu'à la boîte aux lettres, il faisait un froid de canard, un truc de dingue. Ouais, ce matin en partant, putain, j'étais gelé. Ah ouais, non mais c'est clair, j'ai vu les températures et j'ai vu la gueule de à quoi ressemble Montpellier. Finalement, je suis content de rester en haut. Hein. On va aller au Fizz, tu me diras ça la semaine prochaine, mais si ça continue comme ça, putain, ça va être dur. Hein. Oh, non, mais d'ici une semaine, c'est fini ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, bah il fait beau à Barcelone. Je sais pas. Oui, à Barcelone. Oh là là là. Ah non, mais c'est le déluge. Le sud, c'est l'endroit à éviter à tout prix pour l'instant. Hein. Pour l'instant, ouais. Ah ouais, bah oui, non, mais pour l'instant, c'est juste le drame au niveau météo. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas voir que cet été, il va faire beau dans le nord, il va faire dégueulasse dans le sud. Eh bah écoute, on verra bien. Hein. Bon, Sandro va bien. Oui, ça va. En pleine forme, l'aspirateur marche toujours. Parfait. Bon, tant mieux. Du coup, j'ai oublié de sentir pour voir s'il y avait vraiment cette odeur dégueulasse dans l'aspirateur. Ah oui, mais non, mais c'est une odeur d'aspirateur. Hein. Bah ouais, mais je sais pas, le roux avait. Aspirateur qui a la gerbe hein, quand même. Non, ouais. Non, bah, il est malade. Ah non, oui, c'est nouveau. Ça fait 3 ans que c'est. Mais non, c'est un nouveau. Ah, c'est un nouveau. Ah ouais, c'est un nouveau. Ah, le tien, le rouge là. Ouais. Ah, alors, il est pété depuis 1000 ans celui-là. Ah ouais, celui-là, il est mort depuis belle lurette. Hein. Bon, Top va bien aussi. Top va très bien. Très bien, t'as reçu un tour de coupe Playboy. Oh, hein. ça fait longtemps, là, c'est de la récup. Ah, ouais. Ah, c'est de la récup, d'accord, ok. La Rousse va bien également. Ça va. Bon, tant mieux. Vous savez ce que m'a demandé le roux? Oui. Non. S'il pouvait aller au foot demain. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Non, mais attends, c'est à 19h. Oui, c'est à 19h, ouais. Ah bah 19h45, 20h45, tu seras pas là. Bah si, je serai là. Ouais. Non, tu seras pas là, sauf si tu pars à la mi-temps. Non, je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit là à 9h, mais surtout, je vais peut-être rajouter une petite condition. Je t'écoute. Faut que Paris gagne. Non, bah non, sinon, bah, là, il aura déjà été, c'est con, c'est con ce que je raconte. Cela dit, effectivement, si Paris perd, il peut ramener de la bouffe, ça c'est sûr. Mais c'est par vrai, contre, ouais. Ce qui pourrait être bien, c'est que ce soir, on fasse un petit... Tu fais chier. Un petit test de Sarko Game avec les quatre. Non, deux sur les jambes, deux sur les bras. Non. Et à fond de balle. Moi je suis d'accord. Attends, c'est juste pour fêter la Coupe de France parce que c'est l'avant-dernier match du championnat et ça sert plus à rien. Oui, non, mais ça ils vont se branler les couilles. Mais comme d'habitude. Dans ce cas-là, c'est les soldes. Donc demain, je pars à 19h faire les soldes et je reviens à 21h. Et tu ramènes à bouffer. Je ramène à bouffer s'il faut. C'est ça, ouais, mais tu vas ramener de la merde. Non. C'est pas quoi? C'est pas les soldes? Si, c'est les soldes. Ah bon? En avril, il y a quelques magasins qui ont le droit à faire des soldes. Ouais, quelques magasins. Eh bah oui, eh ben. 1, 2, 3. Mais par contre, t'es d'accord, il va au foot si on prend les 4 électrodes dans la gueule? Ah, pour moi, il va pas au foot et il fait pas les électrodes, hein, mais bon. Oh, les 4 à la limite, oui, d'accord, si tu lui dis ça, il faut qu'il y ait une contrepartie, non. C'est sûr. Voilà, c'est normal. La contrepartie, c'est que je ramène les pizzas. Non, mais non. Moi, il fait les électrodes et il va pas au foot. Non, moi, je fais pas de pizza, moi. C'est ça, nous, on est au régime, tout ça. C'est un grec. Ah bah oui, c'est encore pire, tiens, pour le régime, on est au top, là. Non, moi, ça me paraît pas mal. Elle a pas dit non, Sandro, là, par contre. Ça me paraît pas mal, moi, le Sarko Game. Hein. Bon, on va y réfléchir, en tout cas. Bah, je trouve que t'es vraiment sympa avec lui, quoi. Ah bah, le Sarko... Mais c'est vrai, tu vois. Avec tout ce qu'il t'a fait cette année, franchement... On va remettre les doses sur la table. Je n'ai jamais manqué, jamais, en 5 ans, une seule émission. Si. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si, plusieurs. Non. Si, quand t'es jamais. Des matchs, tout le bordel. Ah, mais oui, mais c'était pour l'émission. Et que tu faisais semblant... Arrête de ma gueule. Ça, si. Arrête un peu là, que tu faisais semblant. Oui, mais vous, t'inquiète pas, je serai en direct de là-bas, certes, mais t'inquiète, je ferai des trucs... Allô? Ouais. Ah ouais, mais attends. Et tu reçois un texto. Bon, écoute, ça coupe, hein, je reviens tout à l'heure. Tu sais ce que c'est que rentrer dans le vélodrome avec une valise qui ressemble à une bombe? Ouais. Tu sais ce que c'est? Parce que t'es obligé de t'expliquer un quart d'heure que tu fais de la radio, mais que t'es un bouffon parce que t'as pas de carte de presse. Bon, allez. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas le matos, tu n'y vas pas. Si, il y avait le matos. Ce soir, on mettra Pony Pony Run Run, la version live évidemment qu'ils ont faite la semaine dernière. Deuxième il y aura également. Live, ouais. Yes, la deuxième. Il y aura One Republic. On mettra Shana Paul et Zao. Il y aura également le son de Timbaland et Katy Perry. On mettra du son rock US. J'en ai encore du petit nouveau là à vous faire découvrir. Je vous en avais mis d'ailleurs hier deux morceaux que vous aviez bien kiffé. Comment était le Stump Poireau avec saucisse? Ouais, c'était raté. Hein. Ah bon? Enfin, c'est facile à faire. Hein. Ouais, non, mais c'était vraiment un gros raté. Hein. Ah merde, putain, parce que le roux attendait ce repas. Ah, moi, je vois que tu ramènes un petit extrait de plat. Un petit extrait, bah, du Stump. Ouais, pas celui-là, tiens, ça tombe bien que tu l'as raté. Ouais, c'est ça, t'as raté. Vous avez goûté tous les trucs de friterie? Oui, mais oula, t'as goûté quoi? Alors, bah non, parce que j'ai omis. Ah, t'as oublié? Voilà, c'est un détail, ça arrive. Ouais, souvent, je sais pas. Même au meilleur. Non, mais on fera la semaine prochaine. Ouais, on fera lundi prochain. Bon, et puis donc ce soir, Mac du jour, on fera également le question pour une réponse. On aura l'occasion de faire un Sarco Game. On salue encore une fois ceux qui sont sur le groupe Facebook ce soir. Il y a Fabien, il y a Gauthier, il y a Valentin, il y a Angélique, Pauline, Rebecca et tous les autres. www.mikl.fr. Cliquez donc sur la communauté pour venir rejoindre tout le monde. Et puis il y a également le répondeur et les messages que vous avez laissés sur le 01 40 71 3400. Écoutons ça de suite. Pour écouter vos messages, pressez le 1. C'est pour faire un coup de gueule sur vous, parce qu'il faut lui expliquer que l'apéro c'est un verre ou deux, pas toute la bouteille. Parce que moi, je préférais quand il picolait pas. Voilà, salut. Fin du message. Message suivant. Salut les gars, vous êtes carrément à donf. Allez, Charles, vous continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Madame, fin du message. Comprend rien. Message suivant. Tu voulais qu'on parle du PSG. Alors, parlons du PSG. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à dire. Fin du message. Message suivant. C'est moi, Élie. Et parce que je vous aime très très fort sur Énergie, sur la radio Énergie. Et je vous fais des gros bisous à l'équipe, à Mickaël et à vous tous. Bisous, je vous aime. Fin des nouveaux messages. Ouais, bon, il n'y avait pas grand chose, hein. C'est pas très par contre, je sais pas si. Force est de constater qu'à un moment ou à un autre, c'est pas le téléphone de tous les auditeurs qui est mauvais, c'est le répondeur qui est de la merde. Il y a peut-être de ça. Ah, parce que c'est pour pas possible. Le son, ouais. Ah ouais, pour le son, c'est incroyable d'avoir un son aussi dégueulasse. Au début, je me suis dit, bon, les mecs, putain, ils appellent avec un téléphone pourrave. Mais non. Non, je crois que c'est le répondeur qui est vraiment mauvais en fait. Hein. Bon, c'est pas très grave. On mettra également ce soir le son du Essie Crew. On vous avait mis hier la chanson de Bel Air DJs. Alors, a priori, il serait peut-être pas la mercredi parce qu'il y aura un petit problème de maladie. J'attends confirmation. Bon, au pire, ils reviendront dès qu'ils seront plus malades. Je vous tiendrai au courant. Donc, la chanson. Non, mais c'est pas elle. C'est un des mecs, je crois. La semaine prochaine. C'est un des mecs, ouais. Donc on verra demain, on devrait les avoir au téléphone demain pour confirmer ça ou pas. Enfin, au téléphone ou en live, je vous le dirai demain, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et puis donc on remettra peut-être un petit coup aussi de J'te Facebook. Non, c'est ça, c'est... Non. Ouais, si, J'te Facebook. J'te Facebook, ouais, voilà, c'est ça. Et puis Toff qui est toujours à la recherche de lait maternel. Oui, bah oui, putain. Ah bah ça marche pas, les gens en donnent pas, hein. Non, mais j'ai décidé là, j'ai demandé à Michel de me chercher des numéros, on va appeler des maternités. Ah bah oui, pour la peine, effectivement, c'est encore le meilleur truc à faire, hein. Bah oui, bah de toute façon il faut aller à la source. Il faut aller à la source, effectivement. Donc le seul endroit où on peut en trouver tout de suite, je pense que c'est là-bas. C'est vrai. Il y a Andrea. Parce que tu veux goûter des pâtisseries avec du lait maternel. Bah il veut les faire en fait, tout simplement. Il y a Andrea qui vient juste à l'instant de me faire un mail qui dit il y a un profil Facebook qui correspond à l'adresse monsieurx@hotmail.com. Est-ce Monsieur X? Peut-être. Je sais pas, c'est pas mon pote. Non, je peux pas te dire ça. Non, mais arrête. C'est pas mon pote. Au moins un membre de ta famille. On se connaît, on se fréquente, mais c'est pas mon pote. Ouais, donc c'est ton pote quoi. Non, d'accord, on se connaît. Ouais, c'est ça. Vaguement, on fréquente des soirées en commun. C'est ça. Bon, et puis problème du forum du jour aussi, il y a du gros ce soir, hein, du gros et du lourd au niveau du problème du forum du jour. Tout est dit, on va démarrer les festivités maintenant avec Mika, Blame It on the Girls. Et puis si vous avez envie de participer à l'émission, 612, débuté par Énergie, laissez votre message et votre numéro. Le son de Mika, Blame It on the Girls sur Énergie. On mettra la nouvelle parodie de l'émission, la nouvelle qu'on vous avait fait découvrir avant les vacances. C'est donc Bienvenue à Paris sur le son de Jay-Z Alicia Keys. On aura l'occasion de vous remettre ça tout à l'heure. Et puis il y a un message qui est arrivé, Valentin sur le groupe Facebook, qui dit Mickaël, est-ce qu'il va y avoir des bouffons comme hier? Ah bah on peut pas savoir, hein. Des bouffons? Bah oui, l'auditeur qui avait dit ouais, je suis amoureux de ma pionne, avec. Et en fait, il a voulu faire appeler son pote qui devait transformer sa voix en voix de fille afin de nous faire croire que c'était elle la pionne. Voilà. Malheureusement, il est tombé sur le répondeur du mec. Oui, et effectivement, il n'avait pas grand-chose à faire pour transformer sa voix, cela dit, puisqu'il était relativement jeune. Santé, Ro. Oui. Pardon. Santé pour non, ce parce que petit Ro. C'est l'émission de France 2 qui m'a fait provoquer ce relan. Attends, hommage à la gendarmerie. Ah, spécial pour les gendarmes. Mais après l'armée de l'air. Mais c'est ça, après l'armée de l'air, la gendarmerie. Et avant la marine. Voilà, la marine si, après. Si c'est regardé, ça. Ah bah on saura demain. 6 millions, imposé par l'État, je pense. 6 millions, l'armée de l'air. L'armée de l'air, ça a fait 6 millions. Eh ouais. Ah bah écoute, mais tu sais, mais même si t'aimes pas, tu vas regarder pour voir ce qu'ils vont dire. Si tu les aimes pas, tu dis, qu'est-ce que tu dis ces bouffons là. C'est quoi le but? C'est de redorer le blason. Ouais, je pense. Ah bah, je pense, c'est de rendre hommage à cette profession. Et pour avoir peut-être des embauches aussi. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que ceux qui regardent sont déjà à fond pour la gendarmerie parce que tu vois, ils aiment bien tout ça, c'est les vieux, tout le bordel. Non, justement, c'est pour ça qu'ils mettent de la variété, de la musique et tout. Ouais, alors t'apprends des techniques pour mieux voler. Ah, ou alors t'apprends des techniques pour mieux voler. Ouais, ah, mais c'est pour inciter les jeunes, j'imagine. Peut-être, ouais, bah peut-être. Oui. Bah, je sais pas. Dites-nous si vous regardez. En même temps, si vous regardez, vous n'écoutez pas. On en reparlera après l'émission. Non, mais en fait, ça doit être le reportage qui doit être intéressant. Enfin, quoi que ça. Et encore tourner, bah, je sais pas. Faut voir. Bon, on a Christophe qui est avec nous maintenant, 22 ans, du 93. Ah, alors 93 et Neuilly-sur-Seine, c'est pas la même chose, Micha. Si. Ah non, c'est Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne à la limite. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Bon, elle a changé. Hein. Bon, c'est quoi ouais, c'est, oh, c'est la Seine et la fin des Tours, c'est pas grave. Bah, c'est la région parisienne, tout le monde aura compris. C'est, oui, bah oui, t'as raison. Comme ça. Et ça, enfin, c'est pas les mêmes loyers, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Bon, Chris. Oui, bon, comment vas-tu? Ça va. Et bon, vous? Oui, ça va bien aussi. Passez une bonne journée. Bah écoutez, oui, sous le soleil pour une fois. Ah bon? Attends, mais t'es. Le soleil de la Marne. Attends, mais t'es où? T'es dans 93 là? Dans 92. Alors, t'es à Neuilly-sur-Seine. Tout à fait. D'accord, c'est Micha qui a mis 93 à la place de mettre 92. Oh, c'est pas grave. Toi, t'étais sous le soleil. Et donc, il y a eu du soleil dans le 92 aujourd'hui. Non, bah alors juste sur Neuilly pour le coup. Ouais, hein. Parce que là, nous, on était dans le 92 aussi. Et enfin, ouais, il y a eu des éclaircies à un moment ou à un autre. Mais bon, c'était pas non plus. C'est ce que je veux dire. Ah oui, il a pas plu. Non, d'accord, ok, ça, d'accord. Bon, enfin, en fait, à Neuilly, ouais. Ils ont tellement les moyens, ils ont mis des UV partout. Comme ça, il faut du temps. C'est clair, ouais. C'est du bronze dès que t'arrives à Neuilly. Ça peut être un bon plan, ça, hein. Ouais, mais c'est déjà fait. Hein, ça peut être très sympa, très sympa même. Bon, alors, Christophe, on va parler de quoi avec toi ce soir? Bah, j'ai un petit souci avec ma copine. Oui. C'est que ça fait 6 mois qu'on est ensemble, que je l'aime énormément. Mmh. Et le problème... je l'ai trompé, donc voilà, mais je l'aime beaucoup. Hein. Non, pas encore trompé. Bon. Pas encore, j'aime bien le pas encore. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle m'a demandé de lui faire, punie. Et j'admets, ça m'écœure un petit peu parce que je trouve ça un peu, voilà quoi, dégoûtant. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu un problème du forum du jour tout à l'heure là que je lirai, bah, peut-être ce soir du coup, tant qu'à faire, à propos de Cuny aussi. Oh là là là là, c'est d'une dégueulasserie. Attends, nous on est écœurés par autre chose là. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête un peu, te fous pas de notre gueule, Roux, t'as fait un CP qui était gras tout à l'heure avant de l'émission. Ah ouais, non mais il sentait pas là ce que je viens de faire. Oh, top, c'est ignoble. Ouais, ouais, ça arrive jusqu'ici. Oh putain. Ah, c'est rentré dans ma bouche. Excusez-nous, hein, Ah, mais écoute, je suis content en route de pouvoir te faire souffrir. Ah, tu l'as, Christophe. Tu penses pas aux autres, nous, on t'a rien fait, quoi. Attends, il y a juste un truc, c'est que je ne comprends pas quel est votre battle de paix, parce que entre moi, deux. Moi, je pète plus depuis longtemps, Ça pétait il y a un quart d'heure. D'accord, d'accord, mais ça sent plus, quoi. Putain, ça passe à travers le t-shirt. Ah, c'est horrible. Ah, bah écoutez, je suis content. Ça me fait plaisir. Ah, t'as niqué le studio, c'est là. C'est plus possible, là. Je sais pas quoi faire. Ah, il reste, hein. Ah, ouais, ça reste. C'est comme le mec qui s'est installé, il a pris une chaise. Il vient de bouffer la soirée, tu m'étonnes que ça pue, quoi. Oh, bah ouais. Fâche. C'est comme le nuage de cendre. Il reste, il s'en va, il s'en va. C'est juste que je me dis, il y a des résidus qui viennent se coller sur moi, là. Ouais, grave. Ah, ouais, non, mais c'est horrible. Qui s'imprègne dans ta peau. T'imagines, t'as des résidus de ce qui est sorti du cul de teuf sur toi, Sandro, là. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça fait super longtemps que je l'ai fait, donc il a vraiment pris son temps, tu vois. Ah bah, ça doit être ça, hein, C'est comme du bon vin, quoi. Ouais, il a bonifié avec le chemin. Non, il a pas bonifié, hein. Bon, Christophe, donc tu hésitais à lui faire un cuni, c'est ça? Oui, tout à fait. Excuse-nous si nos voix sont bizarres, hein, mais on parle à travers un t-shirt, donc c'est assez compliqué. Donc tu disais? Oui, je disais, donc elle m'a demandé de lui faire un cuni, et j'ose pas trop parce que je trouve que j'ai peur surtout que ça sente mauvais, que ce soit. Bah, voilà, surtout si elle pète comme moi avant, c'est clair que. Ah ouais, bah c'est horrible. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre, et comme je l'adore énormément, elle me fait comprendre que plus le temps passe et plus je devrais le faire parce que j'ai l'impression que sinon elle pourrait facilement me tromper pour quelqu'un d'autre. Mais elle est crade ? Non, elle se lave tous les jours. Je veux dire, elle est pas crade du tout, au contraire. Hein. Donc, mais c'est quelque chose qui m'écœure. Je sais pas comment expliquer. Ouais, non, mais si, c'est normal. Hein. Ça reste, après, tu peux ne pas aimer, hein. Tu sais, tout le monde n'aime pas non plus forcément de faire ça. Il y a des gens aussi qui effectivement, comme toi, ne supportent pas l'odeur. Enfin, l'odeur, le goût, parce que c'est un goût au final. Mais oui, mais en plus, toutes les meufs n'ont pas le même goût. Donc, c'est ça aussi. Voilà, elles n'ont pas la même odeur. Par exemple. Ouais, mais c'est, tant que t'as pas essayé avec ta meuf, tu peux pas savoir, hein. C'est-à-dire que, tu sais, tant que t'auras pas mis le nez dedans, tu pourras pas savoir. Oui, oui, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Après, non, après, si tu sors temps, de la douche ou du bain, ça va, tu vois, normalement, l'odeur, elle est... Je trouve que c'est, tu peux pas s'en sortir sans être propre, quoi. Il y a des meufs, ah ouais, non, mais c'est clair. J'entends des potes qui me racontent, je me dis, mais tu vas te doucher, quoi. On en parlera tout à l'heure avec le problème du forum du jour qui tend par rapport à ça également. Ah, d'accord, l'autre, elle va aux toilettes, il faut qu'on lui fasse après, quoi. Je n'en dirai pas plus, mais nous en parlerons tout à l'heure. Voilà, je n'en dirai pas plus. Surtout si la meuf, elle était en jupe, peut-être toute la journée. Ah, c'est chopé tous les trucs qui passent. Là, des mecs comme toi qui pètent un côté. Moi, je comprends pas qu'après une journée, tu te fasses brouter un minou sans te laver, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dégueu, quoi. Bah, ouais, mais quand tu l'as fait, une fois que tu t'étais lavé, que tu connais le goût, après, tu. Non, mais quand. Oui, quand t'es propre, mais enfin, il y a des meufs qui passent pas à la douche avant, quoi. Oui, mais c'est pour que les gars aient un autre goût. C'est. Ah, mais imagine la saveur. Attends, tu vas pisser et tout, toute la journée, c'est dégueulasse. Eh ben, saveur pipi, c'est une saveur. Non, roux, c'est dégueulasse. C'est pareil, c'est comme les meufs qui étaient toute la journée en mini-jupe et tout. À la fin, bah ouais, t'as tout chopé, même si elle avait un truc sous la jupe, quoi. Oui, oui, non, mais bien sûr. Attends, juste un truc, Chris, qu'est-ce qu'elle dit ta meuf là? C'est elle qui est demandeuse et à chaque fois tu refuses? Ou alors, bon, elle s'en fout, peut-être, j'en sais rien. Elle m'en a déjà parlé et c'est vrai que maintenant, bah, elle m'en parle presque une bonne fois par semaine. Donc. Ça commence à lui démanger le vagin, quoi. Et pourquoi tu lui dis pas? Bah parce que moi je l'adore énormément et j'ai pas envie non plus de casser la relation à cause de ça. Quoi. Ouais, si tu casses une relation à cause de ça, c'est grave. Hein. Mais attends, c'est ta meuf, hein, je te rappelle. Et puis je te rappelle également aussi que... Enfin, je sais pas, c'est pas parce que vous êtes ensemble que vous êtes obligé de tout faire. Je prends un autre exemple qui est un peu plus violent, mais non, mais un peu plus violent, c'est-à-dire que si toi, par exemple, t'es à fond sur la sodomie, t'adores ça et qu'elle veut pas, tu vas pas la larguer. Non, mais c'est une pratique sexuelle que tu peux ou pas aimer. Enfin, oui, mais là, mais... pour le coup, lui, il veut bien. C'est juste qu'il a peur de l'odeur. Donc il va y arriver. Il a juste à lui dire, écoute, franchement, le prends pas. C'est pas contre toi, mais j'ai juste peur que ça sente pas bon. Oui, ou respire avec la bouche. Avec une passe à linge. Non, mais c'est pas ça. Ou alors sors de la baignoire. Ou alors fais-lui ça dans la baignoire. Dans la douche. Dans l'eau, ouais. Ouais, à la limite. Oui, ça sert à rien de. Si tu commences à ne pas oser lui dire les choses. Oui, ça c'est con. C'est mal, c'est morné, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Et je pense que la meuf, elle comprendra mieux si tu lui dis dès le départ, ouais, voilà, écoute, moi, j'aime pas trop ça, enfin, ou je sais pas trop comment m'y prendre parce que j'ai peur de l'odeur. Que, tu sais, la meuf, tu lui dis non. Non, peut-être pas dire l'odeur. Non, parce après, tout dépend. Ça sous-entend, ma copine, elle pue, quoi. Mais non! Ça dépend comment tu le dis. Si t'arrives en disant, écoute, je préfère pas, ça pue, là. Ah, mais bien sûr, mais il va pas lui dire comme ça. Déjà qu'il ose pas lui dire, alors je pense pas qu'il va l'amener comme ça. J'ai peur de l'odeur, elle s'est pas lavée. C'est, tu vois, enfin, je veux dire, n'importe quelle partie du corps a une odeur. Eh bien sûr. Mais tu vois, une bite, même propre, ça pue. Enfin, moi, je trouve que ça pue. Ah bah ta bite, bah non, t'es propre, elle est propre. Bah, si, non, si, il y a une odeur. C'est comme ton bras, non. Si tu la laves. Non, une bite, elle sort de l'eau, t'as beau l'avoir bien lavée, l'avoir séchée, elle a une odeur. Il y a une odeur, c'est pas forcément désagréable, mais il y a une odeur. N'importe quelle bite, à n'importe quel moment de la journée, une odeur, et plus tu vas dans la journée. Alors dans la journée, encore plus, ça c'est clair. Et pour le coup, elle n'est pas agréable non plus. Ça je suis d'accord, mais à partir du moment où, enfin je sais pas, tu sors de la douche ou du bain, ça peut pas être plus sale ou une odeur différente de ton bras. C'est ça, il dit que... Ça peut pas sentir différent de ton bras. Ça sent différemment de ton bras. Moi je trouve aussi. Si, ouais, ça sent différemment de ton bras. Bon, c'est un débat. Christophe, reste avec nous. Les filles, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Même les mecs d'ailleurs. 6-11-12, débutez votre message. Vous débutez donc votre message par énergie. Vous laissez votre numéro derrière. Dans un instant, on se fera le Sarco Game. Et on écoute également Cœur de Pirate qui arrive juste après ensemble. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça. Soirée dans un vieux film. Non, là, sur la fin, là, la musique, on dirait un vieux film français. Ouais, c'était Cœur de Pirate. Moment, la musique française, c'est ça pour l'instant. Avec comment elle s'appelle? Camélia Jordana. Ouais, Jordana. Camélia Jordana, ouais. Bon, les brunes, c'est encore pire. Reprends ce qu'il y a 40 ans, tu fais la même chose. Voilà. Cœur de Pirate avec Ensemble. On aura Shana Paul. Tout à l'heure, on aura la reprise aussi de Bienvenue à Paris. Enfin, c'est-à-dire que c'est New York. Jay-Z Alicia Keys à la base, et puis nous on a refait Bienvenue à Paris. On aura également le live de Pony Pony Run Run, deuxième version. Ah, live qu'ils ont fait dans l'émission. Vendredi. Effectivement, c'était vendredi. Bon, on va y aller. T'as roté, c'est bon ? Oui, mais moi je le fais discrètement. Ouais, mais tu fais des blancs. Ouais, alors on peut relancer le débat. On va pas relancer le débat. Il vaut mieux faire un espèce blanc. De petit blanc ou une longue ponctuation qu'un espèce de truc dégueulasse. Enfin, surtout quand on est animateur principal, ouais. Voilà, à la limite, quand on peut pas se permettre ça. Voilà, quand t'es un bouffon sur le côté. Bah nous, on s'en fout, parce que pour faire un blanc, on dit rien. Puis voilà. Je te confirme. Bon, on va reprendre dans un instant Christophe là par rapport à son cuni, c'est-à-dire qu'il a peur de faire un cuni à sa meuf par rapport à l'odeur en fait. Hein. C'est pas il pense pas que ça va le déranger. C'est juste qu'il a un blocage. Il a un blocage au niveau de l'odeur. Si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas. 6 11 12. Débutez votre message par énergie et puis vous laissez votre numéro ou alors sur le groupe Facebook. Beaucoup disent de ne pas en parler à sa copine. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Pourquoi ne pas en parler? Bah je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a Jules qui dit c'est moche pour lui. Bah c'est pas dramatique en soi. Il y a pire comme problème. Non, mais si c'est d'une fois, ça se trouve, ça va le débloquer. Ouais, ouais. Ou c'est le vrai. Dégoûter. Mais... Bon. Et Baptiste qui dit Sarco Game pour que Sandro jouisse. Ah bah Sandro va jouer. C'est parfait. Denis qui est là. Bonsoir Denis. Damien. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Très bien. Bon, tant mieux. Alors, Denis, tu veux donc toi jouer avec Sandro Lopez? C'est ça. Bien, c'est parfait, tu as bien choisi. De l'autre côté, Caroline. Salut Mickaël, salut, salut toute Caro. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah, ça va bien aussi, Caroline. T'appelles de Lorient, toi, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Avec le roux. Ah oh. Bonjour Mickaël. Très bien, bonjour Nico. Comment ça va? En pleine forme Nico, taquet bien évidemment comme d'habitude. Et j'ai envie de dire... Petit détail, en petit test, j'ai pas entendu son roux. Non, on n'a pas entendu mais j'attendais. Bah non, bah oui. Ah bah on l'a bien entendu là. J'ai pas entendu le roux non plus. Ah pardon. Si, arrête. Ah voilà. Ah, oui, ah je savais bien que t'aimais la douleur. Bah oui. Du coup... Tu l'as bien entendu le roux? Non. On ne sait toujours pas si le roux va au foot demain. Je paye ma bouffe. Non mais on n'a pas envie. Pas les quatre extra. Tu payes à qui? Parce que je paye ma bouffe, oui, tu vas te payer à manger quoi. Non, je vous paye à vous quatre. C'est une Tex-Mex? Ce que vous voulez. KFC. Ce que tu ouais, si tu veux. Ah mais chacun on veut des trucs différents. Ouais mais moi je suis sachant pas... que tu dois arriver à l'heure. Je suis pas motorisé donc non mais même c'est-à-dire que même si Alors faisons un autre deal, tu nous laisses ta carte, on va chercher à bouffer. Oh ça c'est dur, ça c'est... Ça travaille, regardez, oh il a des palpitations, il a des sueurs. On y va, je reviens ici. Non, parce que tu vas encore gagner du temps, tu vas vouloir aller avec, chercher à bouffer, on va encore se faire baiser. Bah je tirerai du liquide. Une somme prédéfinie. Rondelette. Non, mais à combien? Parce que tu vas nous sortir... Oui, voilà, je vais préciser de 15 euros, qu'est-ce que tu veux qu'on bouffe? On peut pas... Chez Pizza Hut, c'est 20 euros. Hein. On peut pas tous bouffer chez Pizza Hut pour 15 euros. Au total. Alors décide-toi, ou alors 10 euros par personne. Alors tu prends les décharges et voilà, t'es tranquille, tu dois rien payer à personne. Bah 10 euros par personne, c'est bon, non? Ça fait 100 euros. Mais non. Ah si, on est 10 dans l'équipe. Vous êtes 4, les gars. Ah non, on est 10 dans l'équipe. Ah bah ouais, bon. T'as vu comment il est généreux, c'est quand même, c'est un mec bien, tu vois. T'as vu, je pense à tout le monde. Bon, allez, 9, on enlève Micha. Non, on est 4. Bon, prends encore 5 minutes pour réfléchir. Tu veux que je t'aide à réfléchir ou pas? Il faut choisir décharge ou 100 euros. Rembourser, alors. Si tu réponds bien, j'annule tout. Voilà. Non, pas des charges, non. Bah, tu n'iras pas au match, et voilà. Pas des charges, pas de match. Non, c'est malheureux, ça. Ouais, c'est malheureux. Je te prêterai mon iPhone, si tu veux. Pour quoi faire? Bah, pour regarder le match. Rien à foutre. C'est diffusé sur quelle chaîne? Franchement, bah, ça donne foot plus. Ah, bah, c'est bien, on l'a ici, c'est parfait. Non, on l'a pas, on a mais rien. Mais si, on l'a ici. Mais on l'aura demain. On va mettre la carte. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Ouais, en même temps, bien. Même si on l'a pas, c'est pas grave. Hein. T'es pas là pour ça en même temps. Oui, en plus, qui plus est, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, Caroline et Denis, on va donc. Vraiment que tu te calmes parce que je vais balancer tout ce que tu fais pendant la journée. On va dans. Ah bon? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à faire. Ah oui, il y a des choses à dire, ouais. Ah bon, bah très bien. Bon, Caroline et Denis, on va donc jouer maintenant au Sarco Game. Vous êtes prêts? Oui. Je vous rappelle la règle ou vous avez compris? Non, arrête, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, très bien. Bah alors, faisons quand même un test. Non, arrête, ça va, Mike. Ça va. Arrêtez, putain. On fait un test. Surtout de ton côté gauche. On fait un test. Ah voilà. On a fait un test. Ah, ça pique encore! T'aimes la douleur, ouais, c'est ouais, elle aime bien. Elle aime bien les deux langues de pute. Hein. En même temps, vous voulez mettre les 4 électrodes? J'ai déjà pris 4 électrodes. J'en ai déjà pris 4 là, gratuits. Hein. Eh ben, ouais, mais dans 5ème Michel. Non, arrête, parce que là, je vais commencer à vraiment m'énerver. Mais dans 5ème Michel, non, je te jure, je vais moins rigoler. Arrête, je te jure, ça va commencer mais à m'énerver. Là, je vais pas tu sais quoi? Là, il est en train de rager parce qu'il va pas au match demain. Non, j'en ai rien à branler. Ah, bah très bien. Allez, vas-y, mais lui, voilà. Là, bah, ça ok. Et s'il y a une mauvaise réponse, tu mets la patate. Non, franchement, c'est moi qui vais te la mettre la patate, je te jure. Et calme-toi, c'est pas grave là. Si tu vas pas au match. On parle non plus. Tu mets la patate. Je vais y aller, je m'en bats les couilles. Le connaissant, il va y aller, donc tu lui mets la patate. Non. Un peu plus loin, hein. Bah, très bien, je parfait. Première question, Caroline, tu joues avec Roux et Denis, tu joues avec Sandro. Attention. Baisse ça. Attention. Rien, là. Oh, ça suffit, là. C'est parti. L'été dernier, l'Elysée envisageait sérieusement d'organiser les obsèques d'un Français célèbre. Ont été évoqués. Denis. Il faut attendre, malheureusement. Décharge pour Sandro. Ah oui, vous connaissez les barrières. Ah, vous connaissiez les règles du jeu, c'est dommage. Bon, je continue. On était évoqué un rapatriement du corps dans l'avion présidentiel, des funérailles nationales et même une descente du cercueil le long des Champs-Élysées. À qui étaient destinées toutes ces attentions? Mais attends, mec, à partir du moment où il est grillé, on se concerte? Non. C'est un peu logique. Hein. Caroline. Ah, je sais pas. Mais dis pas. Quelque chose au hasard. Bah, dis au pif. Un artiste français au hasard. Au hasard. Le roux à l'attention là, Allez, ouais, je comprends le roux. Comment tu peux être dans un monde pour pas avoir entendu ça aujourd'hui? Bah ouais, mais bon. Mais non, mais au pire, moi je sais pas. Hein. Tu dis Christophe Maé, j'en sais rien, mais dis un truc au hasard. Non, mais même si. C'est pas possible. Ils en ont parlé partout aujourd'hui. Décharge. Mais putain, mais c'est dingue. Ah ouais, bah ouais. Je suis désolé, roux là. Ah, je suis d'accord avec toi, je comprends. Sans déconner, quoi. Denis, tu sais pas la réponse, c'est pas grave, mais Denis. Oui, je sais. Ah, oui, mais c'est annulé là, t'as déjà posé ta proposition, c'était Johnny Hallyday. Oui. Eh ouais, Denis et Caroline, il faut donc attendre que je termine de faire la citation. Ah bah, on va attendre, puis on va attendre aussi qu'ils donnent des réponses. On y va, deuxième question. Ce candidat est redoutable. C'est vrai. Oh là là. Eh oui. Quel acteur ayant joué avec Jean-Claude Van Damme dans Double Team a déclaré récemment: Van Damme peut faire ce qu'il veut, il n'a jamais été un vrai acteur et je refuse de me comparer avec un has-been comme lui. Tant que Van Damme n'essaie pas de devenir boxeur, je me tape de savoir ce qu'il fait. Van Damme, c'est un branleur. Denis, cette question est compliquée. Décharge pour Sandro. Bah alors, ça marche pas ? Une seconde, j'ai failli me tromper. Ah oui, oui. Bonjour Sandra. Bonjour Nicolas. Alors, Caroline Hirou. Tu connais des acteurs américains musclés, parce que t'as, enfin musclés, qui font des films d'action ? Non. Je sais pas, Val Kilmer, il l'a fait, putain, il l'a fait avec, il a fait, je connais pas ses films, il fait des films de merde. Je crois que c'était même tourné à Nice. Décharge. Attends. Ah, bon, bah alors vas-y. Bah au moins je dis Val Kilmer. Val Kilmer, tu valides, Caroline? Oui, je valide. Allez, décharge. Et non, c'est pas ça. Ah voilà, ça fait mal. Troisième question. Ça fait mal, hein. Ah oui, c'était Mickey Rourke, pardon. Ah putain, voilà. Eh ouais. Selon ses propres déclarations, si David Duchovny devait tenter une expérience homosexuelle, il coucherait volontiers avec Taylor Lautner ou Robert Pattinson de Twilight. Mais quel acteur, réalisateur, comique new-yorkais met-il en tête de sa liste? Petit indice, c'est la lutte. Pas d'idée? Personne? Non. Caroline? Non. Non plus. Attends, non, mais... je vais le faire. Ah, j'ai déjà demandé Caroline ensuite? Non, c'est non. Caroline, vas-y, pas. Non, j'avais demandé à Denis. Caroline, tu ne sais pas, décharge. Non, mauvaise réponse. Voilà. Denis? Denis, tu peux te concerter avec Sandro? Bah, je sais pas, j'ai entendu le nom passer dans le bureau tout à l'heure de Tom Cruise, mais je sais pas du tout si c'était en rapport avec ça. Bah, je sais pas, mais il a donné un indice, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Oui, moi non plus. J'ai dit que c'était l'alu. L'alu? L'alu. C'est hallucinant de proposer ce nom-là, tout simplement. Ah, d'accord. Pas d'idée? Bah, écoute, on va dire Tom Cruise. Hein. Tom Cruise? Oui. Décharge. Et non, c'est pas ça. Ouais, c'était pas ça. Donc c'est Woody Allen. Il est pas comique, Tom Cruise. Non, bah non. Ah oui, mais les questions sont trop longues. Hein. C'était Woody Allen. Allez, une petite dernière là. 0-0. C'est dommage, hein, Denis. Toi, plus t'avais la bonne. Bah oui, en plus, je savais que c'était Johnny. Ah bah, c'est malheureux. Vraiment dommage. Allez, la dernière peut-être. Donc 0-0. D'après les lecteurs du magazine FHM, quelle anglaise a été élue numéro 1 des 100 femmes les plus sexy du monde? Le Sarco Game, on l'aime ou on le quitte? Ouais, bah là, on va bientôt le quitter, de toute façon. Hein. Caroline Denis. Numéro 1 du FHM anglais. Ouais. Caroline, Denis. Bah, moi. Caroline. Eva Longoria. Eva Longoria, ça aurait pu, mais c'est non, c'est pas ça. Non. Décharge. Mauvaise réponse. Ah, pour la roue. Il faut la refaire, décharge pour le roue. Non, mais je l'ai prise. Hein. Attends. Il a allumé les deux. Oui, c'était pour moi. Caroline, là-bas. Ouais, décharge pour le roue. Éteins le mien. C'était une erreur. C'était une erreur, effectivement. Excusez-moi. Allez, vas-y. Pauvre con. Oh. Bon. On n'insulte pas l'arbitre comme ça. Hein. Denis. Oh. Je peux me concerter avec Sandro ou... Attends. C'est une balance. C'est une balance. Oui, c'est vrai. C'est une balance. Non, c'est pas une balance. C'est vrai, mais comme il a balancé, elle a droit à un... Ah, putain de merde. et t'aimes restez bien, calme. T'as mal, hein. Denis et Sandro. Oui, alors moi je pense à. Enfin, j'en ai deux en tête, Victoria Beckham ou Penelope Cruz, peut-être, je sais pas. Sinon, Kate Moss. Non, je pense pas. Décharge. Alors, Cyril Cole, non? Décharge. Non, ah, ouais, mais déjà ça a été validé et. C'est pas ça. C'est... Décharge, décharge pour Sandro. Ah, décharge pour Sandro, pardon. Putain, j'étais en train de. Je m'en suis pris. Hey voilà. Je me suis pris 10 décharges ce soir. Cyril Cole. Et une petite non, dernière pour partager. Non, c'est Micha qui te l'a dit. On n'a pas le choix là. D'après les rédacteurs de cette question, quelle est l'actrice américaine qui porte mieux son nom? Pourquoi tu regardes Roux comme ça? Bah, nous, nous. Tu lui fais les yeux doux là. D'après les rédacteurs de cette question, quelle est l'actrice américaine qui porte le mieux son nom? Nous, on peut répondre. Bah non. Ouais. Denis, Caroline. Roux, t'as une idée ou pas? Non, non, non, tu peux pas te concerter là. Il faut que tu aies une réponse toute seule d'abord dans un premier temps. Caroline, Denis, Denis, Caroline, Caroline, Denis, Denis, Caroline. Caroline. Caroline. Je sais pas, Cameron Diaz ou ça. Non. Oui, elle porte pas ça. Elle porte bien son nom, mais non. Décharge pour le Roux. Eh hey mec, je m'en suis pris trop là ce soir. Denis, tu peux te concentrer avec Sandro. Bah Sandro, j'ai pas trop d'idées donc je compte sur toi. Bah tu fais mal. C'est quoi la question? D'après les rédacteurs. D'après les rédacteurs de cette question, quelle est l'actrice américaine qui porte le mieux son nom? Malheureusement. Ah, peut-être, ouais. Je connais pas les actrices. Moi. Trouvez pas, c'est malheureux la réponse. Je vois pas du tout. America Ferrara? Non. Angelina Jolie. Ah, putain. Décharge pour Sandro et 0-0, vous perdez tous les deux malheureusement. Je suis désolé pour vous. Dommage. Désolé Caroline, désolé Denis, même si Denis, hein, t'as raté bah, la, oui, la chance ouais. unique que t'avais. Eh oui, bah, il fallait me laisser réexpliquer les règles du jeu. Mais bah oui, bah tant pis. Vous avez voulu faire les malins. Et bah voilà, ouais Caro. Tu veux un petit dédicace? Allez, vas-y. D'accord, merci. Alors, je fais une dédicace à Valentine, Odessa, Gladys, Léa, Jade, Francky, Vivine, Salomé, Sadine, Andreas, Amandine, Jordan et Léo et à tous ceux du Sud-Lou. D'accord. Mais ah, ça, on n'a pas préparé les réponses aux questions, mais on a écrit les noms des gens pour la dédicace. Bon, salut tous les deux, à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut. Ciao à vous, bye bye. Bon, et puis retour du Sarco Game demain, bien sûr, même heure. À bientôt, bande de blaireaux. Bientôt, ah oui, Nicolas. C'est vrai, effectivement. Ouais. Bon, et puis nous, on va revenir dans un petit instant. Retour avec Christophe par rapport à son CUNY. Élise qui voulait réagir aussi par rapport au CUNY. On mettra dans un instant le live de Pony Pony Run Run. Il y aura également le live de l'émission avec Bienvenue à Paris. Et puis juste après la pub, Shana Paul et Zao, Hold My Hand. Jusqu'au bout, le son de Shana Paul et Zao à l'instant, Hold My Hand. Sur Energy, il y a One Republic qui arrive dans quelques instants. Récupération de Christophe dans quelques secondes aussi par rapport au CUNY de sa meuf. Enfin, c'est-à-dire qu'il voudrait, il aimerait et elle aimerait surtout qu'il lui fasse un CUNY. Il l'aimerait aussi, mais a peur de l'odeur. Il a quelques petites réticences à ce niveau-là. On en parle dans quelques instants avec Élise et Luc qui voulaient donner leurs avis. Et on en parlait aussi en début d'émission. Tov qui voulait appeler des maternités afin de voir s'il était possible d'avoir du lait maternel pour faire des pâtisseries. Des gâteaux. Voilà, des gâteaux. Parce que moi j'ai vu qu'il y avait une Anglaise qui l'avait fait. Et donc bah, moi je voudrais faire pareil. Enfin, je voudrais essayer pour voir le goût que ça a, quoi. D'accord. Bon, bah très bien. Alors appelons directement la première maternité. Allons-y. Bon, allez, c'est parti. Je suis pas sûr de compter grand-chose, hein. Enfin bon, on sait jamais. Qui n'y sert rien à rien. Mais si. Bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle. J'aurais souhaité parler à une jeune maman. Comment elle s'appelle? Peu importe, en fait, ça n'a pas d'importance. Ouais, je peux pas vous passer n'importe qui, monsieur. Ah si, si, ça m'ira très bien. N'importe qui, ce sera parfait. Ah non, mais moi, je suis désolée, mais je peux pas vous passer les mamans comme ça. Non, parce qu'en fait, je vous explique. Donc, vous êtes à la radio sur Énergie, là. Et oui. Je suis à la recherche, en fait, de lait maternel. Parce que j'ai vu, il y a une Anglaise qui fait ça, qui cuisine avec du lait maternel. Et donc, en fait, je souhaiterais trouver une mère qui pourrait me donner du lait maternel. Éventuellement, je peux vous passer quelqu'un dans les étages. Ah ben voilà, passez-moi quelqu'un dans les étages, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Salut. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche de lait maternel pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine? Oui, voilà. Oui, d'accord. Et donc, en fait, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu demander aux mamans qui sont donc chez vous en ce moment si elles auraient pu me fournir du lait maternel. D'accord, vous êtes qui? Pardon, je suis Tof d'Énergie. D'accord. Alors, non, le lait maternel n'est pas. N'est pas, on ne donne pas le lait maternel et surtout pas, on ne le fait pas cuire ou je ne sais pas. Ah, parce que moi j'ai vu qu'il y avait une Anglaise qui avait fait ça, hein, et donc qui s'était mis à la cuisine au lait maternel et qui disait que c'était très très bon pour la santé et que justement c'était bien meilleur que de cuisiner avec du lait normal. Ah, et donc moi c'est pour ça que je voulais essayer quoi. Et vous connaissez l'hôpital début? Ah non, je connais. Enfin, moi, j'ai oui, pris voilà. Les pages jaunes. Vous appelez, vous ne connaissez pas du tout. C'est une maternité qui favorise l'allaitement, qui aide les femmes à allaiter. Ah ben voilà, en plus En plus, ça favorise l'allaitement. Donc, c'est-à-dire que je suis pile au bon endroit. Et donc, vous pensez bien qu'elles ne vont pas vous donner de leur lait? Bah, si elles allaitent, elles peuvent m'en donner un peu. Ben non. C'est pour une expérience scientifique. C'est-à-dire que nous allons essayer de cuisiner. Ah, bien sûr. Nous allons essayer de cuisiner avec du lait maternel. Et non, mais c'est pas possible, non? Bah si, ça doit bien être possible de trouver un peu de lait. Ah, je veux dire, si on fait le compte de toutes les mères qu'il y a là, si elles m'en donnent toutes un petit peu, je peux quasiment faire un cake. Un cake? Oui. Un cake au lait maternel. Oui, voilà. On fait bien des space cakes, pourquoi pas un cake au lait maternel? Oui, d'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein. On a énormément de femmes, on a beaucoup de travail. Ah, ben voilà, donc vous voyez, alors, vous avez... Alors, si c'est pour nous... de nous, je ne sais pas, rigoler sur votre... Il n'y a pas de problème, hein, mais faites ça autrement. Hein. Ah non, mais moi, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux, j'essaie de trouver du lait maternel. Et je vous entends dans votre voix que vous êtes très sérieux. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver que c'est vrai? Non, mais je sais pas, mais allez voir dans les lactariums, il y a des lactariums sur Paris, vous savez, là où... Qu'est-ce que c'est un lactarium? C'est là où on stocke le lait. Ah, donc ça existe? Bah oui, ça existe, le lactarium. Lactarium? Oui. D'accord, donc je cherche quoi dans les pages jaunes? Je cherche lactarium. Ah bah aucune idée. Oui, il y a des lactariums, ça existe. Et donc je vais là-bas et je demande du lait maternel. Ah bah vous allez là-bas, non, je vous conseille d'appeler comme vous venez de me le faire là. Non mais vous êtes sérieuse ou vous foutez de moi? Bah je sais pas. Je vous dis ça, je vous lance ça comme ça. Non mais est-ce que ça existe vraiment des lactariums, c'est-à-dire des endroits où oui, il y a du lait? Oui, non. D'accord. Ça existe vraiment du lactarium. Non, je suis sérieuse là. Le lieu existe vraiment. Après, à savoir s'ils vont vous donner ou non du lait maternel pour faire un cake ou je ne sais pas, je ne pense pas. Par contre, si ils m'en donnent et qu'on fait le cake, vous voulez un bout pour goûter ou pas? Oui, bah trouvez-moi maintenant après. Ah, vous rigolerez, mais non, non. Non mais je rigole pas. Arrêtez de croire que je me fous de vous. Je suis sérieux. Ouais. D'accord, mais renseignez-vous et quoi est le lait maternel. Après, vous verrez si vous ferez du cake avec. Mais, non, mais justement, je préfère pas savoir et faire le cake avant. D'accord. Bah, ouais. Même par curiosité, vous allez taper lactarium sur internet, regarder comment est fait le lait maternel. Peut-être que vous rétracterez. D'accord. Oh, vous savez, après tout ce que j'ai mangé, je pense que je suis pas assez prêt. Hein. Oui, possible. Hein, et puis, je vous rappelle dès que le cake est fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne soirée. De rien. Au revoir. C'est ouf. Ça a marqué les gens hein, sur le groupe Facebook. Qu'est-ce qu'il y a attends, avec du lait maternel? Ah ouais, il va falloir aller voir ce qu'il y a dedans. Là. Ah, ouais. Intrigué, là. Lactarium. Lactarium. Michel, il va trouver le numéro de lactarium, on va appeler là. Ah ouais, on va essayer de les appeler en direct, ouais, putain. Mais non, mais oui, d'accord, mais c'est pas un truc que tu peux appeler comme ça, c'est pas une boutique de lait. Qu'est-ce que je sais, moi? On sait rien, déjà, on va chercher, on va voir ce que c'est. Fait. Je sais pas, la meuf elle dit ça, nous après. Je sais pas, on va essayer. Du lait maternel. Bon, écoute, on va essayer de. On va appeler une autre maternité avant. De l'appeler. Ouais, on appellera une autre maternité dans un instant. Ah, ils font peut-être des tests avec. Parlons. Hein. Après maternité, parlons peut-être Cuny. Allez. Ah, bah c'est voilà, sympa. On reparlera maternité après, rassurez-vous. Bon, Christophe. Oui. Christophe qui est de retour, c'est parfait. Donc, il nous avait appelé en début d'émission parce que sa meuf aimerait bien un Cuny. De quoi? Ma copine veut que je fasse un cuny, puis j'ose pas trop. Voilà, exactement, ouais. Et donc, bah, t'oses pas trop à cause de l'odeur? Et puis du fait que ça peut être répugnant, je trouve. Ça peut être quoi, répugnant? Ah, répugnant, ah oui. Ouais, mais. C'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui est répugnant? T'as peur de l'odeur, on est bien d'accord? Ou t'as peur aussi de l'aspect? Enfin, tu vois, de ce qu'il y a dedans. Il y a le bruit aussi, hein. Il y a le bruit. Et puis parce qu'il y a un truc, quand même, qu'il faut se dire, c'est que la top d'un mec, elle sort du corps, ouais, tu la vois. Ça, ouais. Exact. Alors, la chatte d'une meuf, ça rentre, c'est une grotte, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des bêtes qui vont sortir juste quand tu vas mettre la tête. Voilà, donc. Il y a peut-être des êtres vivants là-dedans. Non, mais ouais, donc du coup, forcément, Bon, bah, tu sais pas trop, quoi. Une grosse murène qui sort. Ah, quelle horreur. Pourquoi t'as été chercher murène? Je sais pas. Parce que c'est dégueulasse. Mais parce que c'est des longs poissons qui se mettent dans les trous. Oui, d'accord, je sais pas. Une anguille, quoi. Roux! Espèce de sale enculé, bah. Dis-moi que c'est ta chaise. Tu peux parler. C'est pas ta chaise. Quel enfoiré. Je sais pas si vous avez entendu cette horreur. Oh, mec. À laquelle on vient de vivre. Alors là, non, horrible. Il va pas au match de foot. Je suis désolé, c'est mec. C'est dégueulasse. Non, mais ça sent pas, moi. Je suis d'accord. Ouais, arrête un peu, ça sent pas. Toi, va mettre ton nez devant. Ah non. Si. Tu peux venir. Va voir. C'est de l'air. Mais non, je peux pas. C'est de l'air. Hein. Mais je pense pas que ça se soit entendu. Nous, on l'a entendu, mais. Ça s'est entendu, non. Mais arrête. Je peux pas. C'est comme lui avec le cuni, je peux pas. Ce qu'il a fait là avant l'émission. C'est répugnant. Ouais, avant. On aurait dit une mitraillette. C'est la. Ah si, ça sent. C'est la honte. Bah oui, mais évidemment que ça sent roux. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Il y a des gens qui t'écoutent là. Ouais, mais franchement, tu pourrais avoir honte. Je préfère que les gens me prennent pour un crado que j'ai mal au ventre pendant 3 heures. T'imagines un jour si ta mère elle tombe là-dessus, mais merde, tu vas lui foutre la honte. Quelle horreur. Non, pas vraiment, non. Elle est pire que toi. Non, mais abuse pas. Non, en fait, c'est un mode de communication chez toi. En fait, tu parles pas pendant qu'il mange. Tu peux me passer le sel, c'est un gros paix. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Bon, attends, on a Élise qui est là maintenant de 50 ans. Attends, on a le son ou pas là alors? On n'entend pas. Ouais. Merde, bah, si vous l'avez pas entendu, c'était rude. Hein. Bon, Élise, 18 ans, donc de Saint-Quentin, qui voulait réagir on par rapport à. On passe du coq à l'âne, excusez-nous. Oui, excusez-nous, on a fait maternité, paix et maintenant cuny. Oui. On est au top. Tout va bien. On est au top. Alors, sois la bienvenue, Élise. Tu voulais réagir à Christophe, toi? Ouais, je voulais réagir à ce qu'il disait. D'accord. Comme quoi il avait peur. Ça sert à rien d'avoir peur, de toute façon, s'il l'a pas encore fait. Je vois pas de quoi il a peur, hein. Mais il a peur de l'odeur, tu vois, il appréhende. Ouais, voilà, il appréhende l'odeur, enfin, tu vois, c'est compréhensible, hein, cela dit, c'est qu'il a un peu les boules, mais bon... Après. Mais attends, mais t'as déjà couché avec elle, quand même. Moi? Ouais. Ben oui. Donc tu l'aurais senti, déjà, si ça avait une forte odeur, non? Ouais, mais enfin, l'odeur au niveau de sa bouche et l'odeur au niveau de... T'es, quand tu descends la tête, c'est pas pareil. Ouais. Bah, tu peux pas sentir au niveau de la tête comment ça sent au niveau de sa chatte. C'est un petit, bah, si, non, mais en tout cas, si c'était très violent, comme dit Jack, il l'aurait senti. Ah oui, non, c'est à dire que si il sentait la chatte au niveau de la tête, voilà, il y a un moment, il faut s'inquiéter. Violent, quoi. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Si ça sentait à cet endroit-là, oui, c'était rude. Bon, et donc, Élise, je suis déjà tombé sur des meufs, hein. La meuf t'enlève le pantalon, tu dis, oulala, remets-le. Ah, il y a du monde. Au niveau des petites bêtes, hein. Ah ça je sais pas. Je sais pas. Enfin bon. Bon bref. Donc alors comment ça se passe toi, Élise? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil toi d'en parler? Si tu tombais sur un mec comme ça en l'occurrence, que t'as envie d'un cuni, le mec tu vois que toi il est pas chaud, il est pas ouvert, il est un peu hésitant. Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'essaierais de. Enfin je sais pas. Dis-nous qu'est-ce que tu ferais? Bah moi déjà je lui dirais que s'il l'a pas encore fait, c'est le moment d'essayer. De toute façon on peut pas. Moi je dis on peut pas. Enfin on peut pas dire non sans essayer de toute façon. Ouais, ou alors, s'il a peur de l'odeur dans une baignoire, sous la douche. Est-ce que tu as dit pareil pour la sodomie? Oui, c'est ça, parce que tu dis qu'il faut pas faire machin sans essayer. Mais franchement, moi, je tombe sur une meuf qui a envie que je lui mette la langue dans le fion. Je préfère mourir con, quoi. Non, mais c'est compréhensible. C'est, pareil, bah, c'est la même chose, c'est un acte sexuel. Si on suit la logique de ce qu'on dit, oui. C'est la même chose. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pareil. Non. C'est un acte sexuel comme un autre. Attends, c'est dans le yonf là. Enfin, c'est ouais, moi je trouve pas pareil. Moi je trouve pas que c'est pareil. Hein. Non. C'est pas... Bah peut-être, mais c'est comme ça. C'est un acte sexuel. Déjà, c'est pas le même plaisir. Non mais peu importe. Il te dit que c'est pareil. Moi je trouve que c'est pas la même chose. Après, voilà, si tu trouves que c'est pareil, je respecte ton choix, mais j'ai raison. Après, si le plaisir, c'est mal, si c'est le même ou pas, tu le sais pas tant que t'as pas testé en même temps. Voilà, oui, c'est oui, clair. Mais bon, après, tu préfères ne pas savoir. Mais même si c'est le plus grand plaisir du monde, nous, par exemple, on va pas se mettre un doigt dans le cul. Bah, voilà. Heureusement que tous les hommes n'ont pas testé d'autres hommes, sinon on n'aurait plus rien à se mettre sous la dent, nous les meufs. Hein. Vous serez tous gays à cette heure-ci. Hein. Ça aussi. Vous avez un plongé dans le cul, je vous rappelle. Hein. Bah, forcément. Ouais. Et je rappelle aussi que l'euro qui dit on se met pas des doigts dans le cul a quand même fait à Toff. Hein. Oui. Je dis ça, je suis. Tu préfères mettre dans celui de Toff que dans le sien. Non, mais je crois que. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le sien, c'est mais pour je ça. Je pense que quand tu t'en mets un dans le tien, c'est un peu. T'es seul au monde quand même. Ouais, ouais bah déjà t'es seul. Hein. T'imagines, le gars, chez lui, se met des doigts. Il y en a plein qui doivent faire ça, c'est comme une meuf qui se met des doigts, c'est pareil. Oui, au final, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Ça revient. Non, mais quitte à se faire. Tu vas t'en mettre combien, toi? Bah, rien du tout. Je bah, la main, il se fait un M fucking. Non, par contre, je me lave, mais je rentre rien du tout. Mais quitte à me prendre un truc dans. Bah, tu te laves pas les fesses, toi. Bah, si, mais tu mets quand même pas des trucs dedans, quoi. C'est ce que je te dis, moi, je frotte. Ah oui, comme mais tout le monde. Sens mais tu te l'arrêt comme tout le monde. Non, bah mais oui. Parce que t'as pas dit je frotte, t'as dit ouais, je me mets rien dans le pion. À part quand je me lave. Sous-entendu, bah effectivement, tu vas là-dedans avec une brosse à dents. Ouais, non. Une brosse à dents. Avec une poire à la. lavement. Et puis tu nettoies quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, ça. Ah, une brosse à dents, c'est drôle. Une brosse ça. À dents, je frotte. Tu veux finir ou hein? Je me récure le fion. Bah oui, toi, Phil, j'ai essayé, je parie, non? La brosse à dents, non. Non, brosse à dents, non? Non, la brosse à dents, non. Ah, ah bon, le balai, si. C'est ça que t'es en train de dire là. Avec une brosse métallique, ouais, balai peut-être. Ouais, une brosse à récurer. Quelle horreur, laisse tomber. Grattoir. Bon, bref, donc tout ça pour dire, Christophe, si t'as une question à poser à Élise, elle est là, c'est une fille. Imaginons, Élise, que tu sois la meuf de Christophe. Oui. Christophe, combien mesures-tu? Non, on s'en fout. Ah non. Oh là là. Non mais en fait, ah oui, pardon, je bah oui, coupe bon. En plein élan. Attends, c'est le meilleur moment de l'émission, c'est ça. Combien mesures-tu? Élise, combien mesures-tu? Ah moi, 1m70. Combien pèses-tu? Oula, beaucoup trop. Ah mais c'est combien en chiffres? 69 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Bon, c'est pas beaucoup trop, n'importe 95 quoi. P. Ah oui, et la tête du dernier... B ou D? C. Ah, c'est genre. C'est entre les deux. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ouais, bah écoute, s'il veut pas te faire de cunis, moi je vais. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça va, t'es pas beaucoup trop là, tout de suite, t'es en train de t'enflammer. Ah, ouais, c'est là. Tout, non. Je m'attendais à ce que tu dises 1m70 et 110 kilos. Bon, bah là, ouais, il y aura peut-être un petit peu trop là. Il y aura beaucoup trop là. 1m70 et 69 kilos, surtout quand t'as. C'est quoi, 90C? Ouais, 90C. Quand t'as du 90C? 95, bon, bah très bien. C'est. T'as beaucoup de poids dans les seins, quoi. Ouais. Dès le départ, on va dire ça comme ça. Bon, retournons donc au bordel dans un instant. Élise et Christophe. Retournons au bordel. Vous allez, parfait, là on est au top. Vous allez devoir faire semblant d'être ensemble. Christophe va t'expliquer, voilà. Va te dire qu'il n'a avec ses mots, ouais. Qu'il n'a pas envie de te faire un cuni par rapport à l'odeur. Et puis Élise, tu réagiras comme tu. Sandro. Oui, bah c'est le groupe de demain qui sonne. Bah, arrête un peu de délirer. Si, c'est ça. C'est ça. C'est mais ça, non, c'est ta pilule, pas. Ça, à 22h. Mais putain, merde, ouais, c'est, il me mais putain, jamais. Merde. Oui, c'est un message Facebook qui vient d'arriver. Non, c'est les... Comment c'est écrit? Facebook. Ouais, bah c'est les gars qui étaient censés venir demain. Ah. C'est un rappel. Un rappel à 22h. Ah oui, pour le lendemain, je m'en mets un la veille, bon. Et un 2 heures avant. Christophe et Élise, réfléchissez bien, nous faisons un petit jeu de rôle dans quelques instants. Le temps d'écouter le son de One Republic maintenant, All the Night Moves sur Énergie. Et continuez à donner vos messages de conseils également sur le groupe Facebook si vous voulez, mikl.fr. Cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre en direct. Voilà, jusqu'au bout, le son de One Republic, à l'instant, All the Right Moves sur Énergie. Dans un instant, on se mettra notre son avec Bienvenue à Paris. On mettra également tout à l'heure le son live de Pony Pony Run Run. C'est le live qu'ils ont fait la semaine dernière quand ils sont passés nous voir vendredi. Photos et vidéos d'ailleurs à mater sur mikl.fr. Et non, puis on va... pas, juste photo. De quoi? T'emballes pas, juste photo. Ah, juste photo, c'est déjà ça, tu me diras. Retour avec Christophe dans un instant par rapport au Cuny, Élise et Christophe qui vont donc faire ce jeu de rôle. Élise va se faire passer pour la meuf de Christophe. Et Christophe va devoir lui dire qu'il n'aime pas faire de Cuny. Donc voilà, il est un peu en tanasse à ce niveau-là. On va voir comment ça va se passer, histoire qu'il soit prêt pour le jour J. En attendant, on rappelle des maternités afin de trouver du lit maternel pour faire un cake. Ouais, allez, rappelons les maternités. C'est parti, on y va, on rappelle. Ça ne sonne pas, c'est malheureux. Notez le périphérique, Madame, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche de lait maternel. De? De lait maternel. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me passer une maman dans la maternité. À quel nom? Peu importe. Quittez pas. Merci. Madame Dac, maternité et chirurgie. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Le quatrième, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, donc comme j'expliquais à la dame juste avant, je suis à la recherche de lait maternel et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me passer une maman. Mais quelle maman? Parce qu'on en a plusieurs. Alors peu importe, ça n'est pas grave. C'est celle que vous voulez. Et attendez un petit peu. Attendez, s'il vous plaît. Oui. C'est fou. Allô, monsieur? Oui, bonjour, madame. Je vous écoute. Ah, vous êtes une maman? Ah non, pas du tout. Ah, pardon. J'aurais voulu parler avec une maman de la maternité, de préférence qui allait. Si je peux me permettre, pourquoi faire? Ah, parce que je suis à la recherche de lait maternel. À la recherche de lait maternel. Oui, voilà. Mais je ne peux pas vous passer les mamans comme ça, monsieur. Ah oui, mais peut-être que... Parce que vous pourriez peut-être m'aider pour trouver du lait maternel. Du lait maternel. Mais je ne comprends pas, c'est pour... cuisiner. C'est pour cuisiner, oui, c'est pour un dîner, oui. C'est pour un dîner? Oui, voilà. Vous faites l'émission Dîner presque parfait, c'est ça? Non, je fais l'émission de Mickaël sur Énergie. D'accord. Mais vous savez que c'est risqué de prendre du lait maternel d'une maman. Mais il faut connaître ses sérologies, il faut connaître tout ça. Moi, on ne peut pas vous donner tout ça, monsieur. C'est interdit. Parce que moi, j'ai vu sur Internet, en fait, qu'il y avait une mère anglaise qui cuisinait avec son lait maternel pour ses amis. Et donc, moi, je voudrais essayer de faire de la cuisine avec. Mais il faut appeler le lactarium pour ça. Ah bon, le lactarium. On va pas... Ben non, mais je veux pas vous passer de maman, ça se fait pas en plus. Non, et puis c'est quand même délicat, parce qu'il faut connaître les sérologies de la dame, voir s'il n'y a pas d'HBS positif. C'est pas possible, monsieur. Ah, parce que tout ça, on pourrait l'attraper par la cuisine. Mais bien sûr. Ah oui, oui. Bien sûr. Ah, c'est dangereux quand même. Mais c'est très dangereux. Ah oui. Ah oui, non, oui. Il faut que vous, ben, vous appelez le lactarium. Il y a un lactarium sûrement dans Paris, je connais pas trop, moi, mais... voilà quoi. D'accord, donc on appelle le lactarium et eux ils vont me donner du lait. Ben vous leur demandez, oui, si c'est possible d'avoir du lait. Ah ben très bien. Eh ben écoutez, je vous remercie pour l'information, madame. Mais je vous en prie, monsieur. Voilà. Au revoir. Ah, bonne soirée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Et bonne cuisine. Merci. Au revoir. C'est bien le bonne cuisine. Allez, bon. Ah, donc c'est dangereux. Bonne cuisine. Bah apparemment, hein, je sais pas. Et pourquoi c'est dangereux? J'aimerais bien savoir. Ben je sais pas. Bah, personne n'a cherché la composition du lait. Elle te l'a dit, hein. C'est ouais, sérologie, en fait, ouais. Ouais. Ouais. M'aider. Non mais faut... c'est, en gros, elle te dit que ça dépend de ce qu'il y a dans le lait, ouais, et voilà, que tu peux attraper des maladies. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du lait qui vient du lactarium. Ouais, parce mais en que même lui, temps, c'est du lait qu'elle donne à leur gamin. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas la même chose. Justement, parce que, c'est pour ouais, ça. C'est pas pareil. Bon, on en rappelle un ou bah, on va appeler le lactarium, la Michel. Bah, on va appeler le lactarium. Bon, bah, très bien. Rien d'appeler les maternités, ils vont tous nous dire d'aller là. Donc. D'accord, ok, très bien. Bon, on va appeler le lactarium dans quelques minutes alors. Bah, quand tu veux. Bah oui. Michel a le numéro maintenant, donc. Bon bah alors vas-y, faisons ça alors. Maria, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche de lait maternel. Oui. Oui, voilà. Et donc, en fait, j'aurais voulu savoir comment ça se passe, parce qu'on m'a dit qu'on pouvait en récupérer chez vous. Oui, ben c'est au lactarium, et le lactarium est fermé, monsieur. Ah, et... Il ferme à 17h. Ah, il faut donc rappeler demain à 17h. Ah ben non, dans la journée, il faut que vous rappeliez. Je vais vous donner le numéro direct. D'accord, ben alors, je vous demande une toute petite seconde, hein. Donc, vous ne bougez pas, hein. Monsieur, je peux pas rester au téléphone là, je suis en réanimation. Oui, mais je vous passe quelqu'un et il va vous prendre le numéro, vous ne bougez pas. Oh, c'est chaud. Ah bah, attendez, le bébé est en train de mourir, une seconde, je décroche le téléphone. Bon, raccrocher. Ah, c'est pareil. Bah, elle est chez Michel. Bah, elle est chez Michel pour prendre le dos là. Bon, très bien. C'est bon là ou pas? De quoi? Bah, Michel, il prend le numéro et puis on appellera demain. On appellera demain? Bah oui, elle a dit que ça ouvre à 17h. Ah ouais, leur réanimation. Ah oui, putain. Ouais. La meuf, elle est en train de réanimer. Non, bah, autant pour moi. Bon, parfait. On va revenir dans un instant. On va laisser clamer cette bébé. On va revenir dans un petit instant. Christophe, bah, oui. T'as travaillé un petit peu le comment tu vas faire? Je vais essayer. Bon, bah très bien. T'as encore un disque. Élise, pareil. Et Luc aussi, on demandera son avis dans quelques instants. Juste le temps d'écouter notre son, le son du Issy Crew maintenant. Bienvenue à Paris sur Énergie. Non, hein, comme d'habitude. Hein. Bah, l'équilibre trop terrible, c'est dit que j'adore. Bah, tant mieux, ça fait plaisir. Et Arnaud qui dit 300 jours par an de ciel gris. Oui, ça fait partie des paroles. Partie des paroles de la chanson, effectivement. Et puis Kevin qui dit le pire, c'est que les paroles de la Zik, c'est vrai. Oh, pas pour tout. Hein. Il y en a où on a été violent, mais juste pour la rime. Hein. Donc, ne vous sentez pas agressé, du moins pas trop. Oh, bon, rien à foutre. On a Christophe de retour avec Élise qui sont là tous les deux. Christophe qui nous avait appelé par rapport au cuny, à sa meuf qui en veut un, lui n'ose pas le faire par peur de l'odeur, Ouais, en gros, c'est ça. Il est un peu réticent. Élise qui elle trouve ça normal. Et donc j'avais dit. Préparez-vous, réfléchissez, vous allez dans un instant faire un jeu de rôle. Christophe et Élise, vous allez... Christophe va jouer son propre rôle. Ça a l'air déjà assez dur. Ça ne devrait pas être trop dur pour lui. Voilà, et Élise va donc jouer le rôle de sa meuf. Élise, t'es donc là, t'es en soirée, enfin t'es pas en soirée, vous êtes à la maison tous les deux, tu lui dis... Fais-moi un cuni, qu'est-ce qui se passe après? Bah, il faut déjà qu'il réponde. C'est très très dur pour lui. Allez, Christophe. Oui, donc... Vas-y, c'est à toi, hein. Bah, je dirais... Les mots bleus. Ouais, bon, alors évidemment, oui. Heureusement qu'on a fait des trucs ouais. À l'avance. Hein. Tu sais qu'on lui a laissé le temps de se préparer. Ouais. Mais Élise, déjà, elle nous a pas dit comment elle le prendrait si son mec lui disait qu'il avait peur de lui faire un cuni à cause de l'odeur. Parce qu'il y a plein de filles qui disaient qu'il fallait pas lui dire sur Facebook. Sur le groupe Facebook, ouais. Moi, personnellement, je le prendrais assez mal quand même. Hein. Ah, tu préférais qu'il te le dise pas? Bah... pas directement comme ça, alors. Non, mais pas dire, mais ça on, l'a, dit, ça, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien pas dire, putain, pas j'ose pas, ça pue, j'ai peur que ça pue. On pas dire ça comme ça. Faut le faire de manière plus gentleman. Ouais. Donc imagine, t'es dans le canapé, la bière dans une main, en train de te gratter. Mais non, mais non, mais non, mais arrête un peu de dire n'importe quoi. Mise en situation. Mais ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Chris. Je suis prêt à repasser pour le jeu de rôle, si vous souhaitez. Alors, vas-y. On y va. Donc oui, mais le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait, donc je suis un petit peu gêné. Gêné de quoi? Bah, je trouve que c'est un petit peu répugnant, je sais pas, c'est... pas quelque chose voilà qu'on montre à tout le monde. Et qu'on montre à tout le monde. Oui. C'est quelque chose que moi je trouve assez je sais pas, c'est privé quoi, c'est vraiment pour moi c'est pour voilà, c'est un amour et pas plus quoi, c'est quelque chose que j'arrive pas, ça me bloque. D'accord. Bah on peut attendre dans ce cas-là, il y a pas de souci, on a le temps. Oui, non, Élise. Non, le concept c'est de. Non, le... tu as envie de te faire brouter la chatte là. T'as des fourmis dans la chatte là, tellement tu t'es plus fait brouter. Bah dans ce cas-là, tais-toi et broute. Le mec il arrive, il dit, écoute, j'ai peur. C'est... Bon, allez, tais-toi et tu vas brouter maintenant, hein. Bon, allez, merde alors. Tais-toi et broute-moi, j'ai pas mis mes notes aujourd'hui. Genre essaie de le rassurer et tout, on va voir comment elle réagit. Bah, je sais pas comment lui dire. Non. Bah oui, bon, on n'est pas arrivé. Hein. Wow. Tu me conseilles quoi pour y arriver? Bah de y aller. Enfin, évite le mot répugnant par contre. Dégoûtant. Dis que ça te branche pas parce que t'as jamais été et que c'est comme il disait les mecs en lui disant voilà, tu vois par exemple, bah, un zizi c'est en dehors du corps donc c'est visuel, mais une chatte par contre, c'est un peu comme une dans une grotte, on sait pas trop ce qu'on peut y trouver. Tu dis zizi, mais par contre, mieux. Tu dis chatte, c'est quand même particulier, n'importe quoi. Non, mais par contre, ce qu'elle peut te dire, c'est de y aller doucement, c'est-à-dire de commencer vraiment tout en haut et puis de descendre petit à petit. Vraiment par le haut, genre par le bas du ventre en descendant comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais toi d'abord? T'as déjà bouffé une tâche? Bah non. Alors. C'est vrai ça, dis donc, comment tu sais? Tu vas devoir tester avant d'en parler. Ah ouais, mais j'aimerais bien devoir bouffer une tâche. Non, parce que je vois que personne n'apporte des solutions, donc j'essaye de mettre à la place de sa niveau. Meuf. Si mon mec il me disait ça. Tu as déjà mis les doigts? Oui. Donc pourquoi tu dis alors à Sandro? Ouais. Pourquoi tu dis que c'est que pour la relation sexuelle et tout? Parce que moi, ça m'a choqué quand t'as dit ça. Et finalement, tu y mets quand même tes doigts, alors qu'est-ce que ça change? Non, c'est juste que... Enfin, parce que ça, c'est pour les préliminaires, mais c'est qu'après... Ah oui, donc on est d'accord, ouais. Mais si tu y mets les doigts, sans tes doigts, tu verras bien. Mais non, c'est dégueu, ça. Ah oui, non, mais c'est pas pareil, parce que non. Pour peu que t'aies fait de la merde avec tes doigts avant, bah, déjà, ça se fait pas... Oui, mais lave-toi les mains aussi. Oui, lave-toi les mains. Il y a Pierre-Luc sur le groupe Facebook qui dit « Tu t'en fous l'odeur tant qu'elle t'aime ». Oui, non, bah non. Non, il y a une meuf qui peut m'aimer, si ça pue, ça pue. Hein, je peux pas. Oui. Hein. Non, il y a vraiment, c'est pas, c'est logique quoi. Tu peux pas lui faire n'importe quoi. Je peux toujours essayer pour lui faire plaisir. Tu peux toujours essayer pour lui faire plaisir. Ben voilà Christophe déjà, mais il faut pas faire ça que pour lui faire plaisir. Faut que t'aies quand même envie aussi, tu vois, sinon tu le feras mal. Faut que t'aies envie de lui faire plaisir. Voilà, faut que t'aies envie de lui faire plaisir. T'allais dire quoi, Élise? Et dire, sinon il peut essayer des petits jeux avec la chantilly. Ouais, oui, voilà, oui. Ah oui, c'est vrai. Ça. Enfin, le mieux, ça reste quand même, vu ton flip, le mieux, ça reste quand même dans la baignoire. Parce que là, au moins, ça aura pas de goût, enfin, ça sera de l'eau, quoi. Pour oui, apprivoiser la chatte, c'est mieux. À tout moment, tu dois le faire en apnée. Et ça, c'est pas facile. Ça veut c'est dire qu'il faut qu'il lui place le délire, viens, on va sous la douche. Mais hein. ou alors tu respires par la bouche. Et tu sentiras pas l'odeur, là. Non, parce que moi, je vais essayer de respirer. À partir du moment où, si jamais sa meuf, elle pue, il faut qu'il lui dise aussi. Oui. C'est pas correct de pas lui dire. Non, alors, ce qui peut être faisable, c'est la première fois, il le fait comme ça sans sentir, parce que ça se trouve, elle sent pas la meuf, hein, sans sentir, comme ça il voit ce que c'est, il a déjà un premier avant-goût, façon de parler, ouais. Et la deuxième fois, il... Tu vois, il regarde un peu là. Enfin, mais en même temps, quand tu lui mets des doigts, il va où exactement? Il nous a pas dit. Tu vas où? Tu vas sur le clito ou tu rentres dedans carrément? Non, je veux vraiment le rabord. Ah oui, tu vas sur... Ah, tu vas juste... Ah oui. Ah bah, oui, tu vas... C'est, ouais. C'est là où tu devrais aller, déjà. Va pas directement... Ah oui, t'es pas obligé d'aller dedans. Dans la grande gueule plus, hein. Du loup, quoi. Dans la grande gueule du loup. Très bien, merci Sandro pour cette explication. Bon, Élise et Christophe, restez là, il y a Luc dans un instant. On va prendre l'avis d'un autre mec pour nous dire comment est-ce qu'il fait vraiment, tu vois. Hein, histoire de voir un peu un vrai mec comment ça se passe. Ne bouge pas. Luc, t'es là? Ouais, c'est moi. Bon, reste là où t'as déjà fait, toi, hein? Oui, bon, très bien. Tu nous expliques ça dans un petit instant. Reste bien là. On va se mettre Pony Pony Run Run également. La nouvelle version live qu'ils ont fait vendredi dans l'émission, juste après la pub. Restez là. Voilà le live, le deuxième live de Pony Pony Run Run avec Hey You sur Énergie. Ils l'avaient fait vendredi dernier. Premier live qu'ils avaient fait il y a quelques semaines. D'ailleurs, les deux seront disponibles. Le premier est déjà disponible. Le deuxième le sera d'ici peu sur le www.mikael.fr. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. J'ai aimé Rebecca notamment. Là, j'adore cette version. J'ai aimé les deux versions acoustiques, mais toujours pas l'original. Et c'est vrai que l'original, je suis pas fan, moi. Alors que les acoustiques, je trouve qu'elles déchirent. Je sais pas, c'est peut-être le côté électro. Faut aller les voir en live. De quoi ? Faut aller les voir en live. Bah non, parce que t'auras toujours l'électro quand ils sont sur scène, tu vois. Là, c'est parce que. Vachement moins en fait. C'est vachement plus. Ouais. Plus grosse guitare en live. Ah ouais ? Ouais. Ah d'accord, ok, bah je sais pas, ça tient. Donc voilà, Pony Pony Run Run en live. Version live. Ah, j'ai vu à Taratata. Ah oui, mais Taratata, c'est un peu. C'est plus électrique. Pas ce qu'ils font sur scène, ouais. Ouais, faut voir. Hein. Sur scène, je suis pas sûr que ce soit ça. Bon, et plein de messages. Alors, on va mettre les choses au clair directement. C'est pas la peine de créer des groupes Facebook ou de venir à chaque fois qu'on met de la pub dire ouais, il y a trop de pubs, il y a si. Déjà, il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est la première chose. Et de deux, sans la pub, eh ben très bien, nous crypterons le programme et vous payerez pour avoir l'émission et pour écouter la radio en règle générale. Personnellement, je préfère la pub. Ouais, voilà, hein, ça c'est. Donc voilà, donc arrêtez de dire il y a trop de pubs. De toute façon, la radio vit grâce à la pub. Oui, donc, mais bon, quand t'écoutes, voilà. Je peux comprendre que. On va crypter, voilà. Sinon, vous aurez un programme comme ça. C'est Chandro qui vient de crier, Loro qui vient de péter. Voilà, donc vous voyez, c'est chiant quand même. Oui, mais quand t'écoutes et que t'es auditeur, je peux comprendre que des pubs toutes les deux secondes, ça te casse les couilles. Non, mais là, il y en a toutes les demi-heures. C'est ça. Ah ouais, mais tu sais, quand t'es à fond dans un sujet ou un truc, quand mais je suis d'accord. Moi, je me rappelle hein, quand j'écoutais la radio plus jeune, c'est pareil, ça me cassait les pieds, quoi. J'entends bien, je sais, mais déjà, il y en a moins qu'avant. Avant, il y en avait, chipoter, il y en avait toutes les 20 minutes, maintenant, c'est toutes les demi-heures, donc ça va. Et il n'y en a pas plus, malgré tout, toutes les demi-heures, donc ne vous plaignez pas trop. C'est vrai, vous pourriez être aux États-Unis avec de la pub toutes les 5 minutes. Exactement. Ah, putain, ouais, tu vois, c'est ouf, voilà, ça. Aux US, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller, vous voyez quand vous regardez une série super rapide. Voilà, non, quand vous regardez une série sur TF1, il y a un écran pub en général. Voilà. Et tous les moments où il y a la série, et puis tout d'un coup, il y a un moment où l'image est noire et ça revient. Et ben là, c'est qu'il y a une pub, normalement, aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'il y a souvent un écran noir. T'as tout dit à partir du moment où ils mettent une pub après le premier générique. C'est-à-dire voilà. Que t'as la scène d'ouverture, générique, bam, pub. Exactement. Et il y a quoi pour une série comme Lost, il y a trois écrans pubs. Plus. Ça dure 45 minutes, Lost. Ouais, c'est ça. Donc c'est 4 écrans. C'est un écran toutes les 12 minutes. Ouais, donc, et ça, sans compter qu'il y a l'écran pub après le générique de début. Il y a l'écran pub avant le générique de fin. La pub incrustée. C'est pas des petits écrans pubs en plus, hein. Ah non, en plus, c'est des longs. Hein. En gros, c'est pas compliqué quand vous voyez. C'est vraiment chiant. C'est pas compliqué quand vous voyez 24 heures la série. C'est-à-dire que normalement, ça dure 60 minutes, une heure, hein, puisque c'est censé être les conditions du direct, si tu veux. Bah, sauf quand vous regardez le truc, vous dites merde, putain, ça fait 45 minutes, fait chier quand même, tu vois. Eh ben, c'est parce qu'en fait, ils prévoient 15 minutes de pub pour faire une heure. Et c'est pour ça qu'ils sont gros tous là-bas, parce que la coupure pub, c'est là où tu te lèves et que tu vas te servir dans le placard. Ouais. Parce que t'as vu la pub Bounty la pub Mars passer, donc ça te donne envie. Exactement. Et ben, eux, ils se lèvent deux fois plus. Donc tu bouffes deux fois plus. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu et vous vous dites putain, finalement, en France, on n'a pas trop à se plaindre au niveau de la pub. Hein. Non, mais j'avais fait le calcul, une émission là-bas comme genre Le Grand Journal, mais un peu mieux. Beaucoup mieux. The Big Journal. Avec Michel de Nice. Genre, l'entièreté, ça dure, il devait y avoir 25 minutes de vrai programme. Oh putain. Et en tout, ça, je te jure, ça durait, il me semble, 50 minutes. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'était le double. Et le mec qui posait 3 questions à l'invité, pub. Je disais, mais c'est pas possible, c'est une vanne. Et on revient tout, c'est ça, le mec qui pose 5 minutes. Ça, le mec qui pose 3 questions, puis c'est, et on revient tout de suite avec notre invité. Voilà, c'est ça, et en fait, il passe sa vie à dire ça. Donc vous voyez, finalement, on n'a pas trop à se plaindre. T'as même plus envie de suivre, quoi. Ah, bah non, moi, c'est j'avais même plus envie de suivre. Ouais, mais t'essaies de zapper, mais c'est partout pareil. Donc. Bah, c'est ça. Bon, on a trouvé quelqu'un apparemment qui aurait du lait. Ah. Oui. Allô? Allô? Ah oui, d'accord. Ah, c'est Elisabeth. Oh, c'est Elisabeth. Oui. Pas du lait pour bébé, c'est du lait. Je suis allée se rappeler à la porte de mes voisines. Ouais, et alors quoi, tes voisines sont enceintes? Non, il y en a une à côté, c'est une pakistanaise, elle allait son bébé. Oui. Elle a des gros seins et tout, et moi j'ai tellement eu de la peine parce que les lactariums ils veulent même pas vous passer du lait ni rien. Bah, c'était fermé en même temps. Ouais, on doit les rappeler demain, donc c'est pas qu'ils veulent pas. Mais... Non, C'est pas la peine de les rappeler. Moi, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai allé voir mes voisines. Tout à l'heure, elle m'a tiré du lait. Et ben, maintenant, je me retrouve avec deux biberons. Un biberon de 120 millilitres de lait. Là, t'as un biberon là chez toi là. À l'instant où on deux biberons, deux biberons. Et la meuf, elle t'a donné deux biberons remplis de lait maternel. Non, il y en a une qui m'a, elle a tiré les 200, donc un biberon de 120 millilitres. La première voisine. Attends, juste attends, Elisabeth, comment t'as été chez la voisine pour lui demander ça? Enfin. Parce que moi, ce cas, c'est que je lui ai dit comme quoi j'étais malade, j'étais allergique et tout, et donc. Parce que je suis allergique au lait de vache et au soja et tout. Et moi, le médecin, j'ai fait un truc comme quoi le médecin, il m'a demandé du lait maternel pour moi. Ouais. Et c'est urgent parce que, voilà, oui, parce que quand elle est pakistanaise, elle connaît pas bien le français et tout. Moi, j'ai montré la lettre. Tu profites de ça, c'est dégueulasse. Moi, j'ai dit, laitier, comme ça. Elle m'a fait rentrer chez elle. Tu parles pakistanais ou pas? Non, j'ai dit moi le lait, le lait comme ça. Ah, lait, ouais, c'est pakistanais, lait. Après, elle a pris le tire-lait avant, tu sais, et puis elle a tiré le lait et tout. Oui, bon, on sait comment ça marche. Mais attends, excuse-moi, le lait, il est sorti comme ça, d'un coup, elle t'a rempli un biberon. Non, mais c'est oui, je suis sûre qu'elle en avait beaucoup, hein. Elle a pissé d'abord. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que tu sais bien qu'on peut pas le prendre, le lait, t'es trop loin. T'es trop loin. T'es à Grenoble. Ouais, mais si jamais tu l'envoies. Qu'elle est trop loin. Non, mais t'es à Grenoble. Paris-Nico. Quoi? Paris-Nico. Non, mais attends, quoi? Elle veut venir en hélicoptère. Non, comme ça, je mets tout ça, c'est-à-dire dans un thermo et tout. Ouais. Je le fais partir à la gare et puis quelqu'un vient me chercher demain. Tu chopes une cigogne et tu lui mets. Hein? Très bien. Envoie tout et quand ça arrive, on se débrouille. Elisabeth ne boit pas ça. Hein, oui, t'as entendu? Elle a dit que c'était dangereux. C'est dégueulasse. Hein. Mais ne bois pas ça. Elle a essayé. Elle a essayé. Attends, je vais essayer. Non, n'essaie pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Par contre, j'ai tous les renseignements parce que heureusement que j'ai des bouquins de bébé. Ah oui, heureusement. Comment j'ai fait le truc, le lait maternel. Ah, alors, ça fait comment? Ouais. Alors, le lait maternel, ça, c'est que, bon, en tous les cas, paraît-il que c'est même pas dangereux. Hein. Ah bon? Parce que la première bonne femme, la bonne femme qui a dit, ouais, comme quoi, c'est dangereux et tout. Une infirmière, c'est ouais. Pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Je vais quand même préférer la croire, elle. Moi, sur le bouquin, il y a marqué, la composition de ce lait varie avec l'âge de l'enfant. C'est-à-dire même avec notre âge aussi. Hein. De toute façon, c'est fait pour tout le monde, le lait. Hein. Oui. Et puis, donc, attends, comment ça se fait que le lait dire... varie en fonction de l'âge de l'enfant? Paraît-il comme quoi c'est très bon. En fonction du développement. Contre les diarrhées sévères. Ouais. C'est bon pour les allergiques, les risques d'allergiques. Ouais. On va avoir moins d'infections. On risque pas avoir des rhinites allergiques, moins d'eczéma. Oui, mais ça, c'est quand t'es allaité, si on t'allaite longtemps, c'est ça. Ouais. En plus, là, c'est riche en matières grasses. Et ça ne veut pas dire que quand t'es adulte et que tu prends du lait maternel, ça te soigne ça. Ça n'a rien à voir. Non. Ça protège les enfants, en fait, ce que tu veux dire. Ouais. Les enfants qui sont allaités. Mais nous aussi, on peut être allaité aussi. Hein. Bah non, oui. Ah si, on pourrait, mais bon. Mais Elisabeth, allaité, mais confondu. On pourrait, oui. Mais trop grande maintenant, tu peux plus. Elisabeth, oui. Bon, un grand merci, mais malheureusement, on ne pourra pas en faire grand-chose. Hein. Mais tu nous as bien fait rire une fois de plus. Hein. Mais envoie-le nous quand même. Hein. Bon, envoie-le toujours. Envoie-le. Oui. Oh. Oui. Par contre, tu sais, je t'ai fait un poème. Ah. Parce que Misha m'a dit comme quoi t'étais vraiment un très très grand romantique. Oh, ce mytho de Misha. Et quel mytho. En plus, je vais vous dire vraiment un secret. Ah. Vas-y, oui, j'ai déjà vu un secret sur les SMS. Apparemment, t'appelles Misha mon bébé. Oui. D'accord, alors c'est ce que je voulais dire. Ouais, parce que moi, je suis la femme de Misha. Oui, on passe au poème. Le poème de Michael. Le poème de Michael. Oui, voilà. Oh, Michael, comme je t'aime. Tu ne fais pas partie du clan des Lost des disparus. Tu es dans mon cœur. Oh, Michael, tu es si bon, si velouté, sucré. Tu as un amour de caramel. J'adore toutes tes sucettes. Elles sont si bonnes que j'ai décidé de t'offrir pleine de pelles, sucrées, goût vanillé. Je t'adore, Michael, mon amour de caramel. Bravo. Bravo. Elisabeth. Alors, attends, il y a la larme à l'œil. Avant de quitter Elisabeth. C'était pas mal, mais je préfère la oui. chanson du roux. Oui. Tu peux nous refaire la chanson du roux. Je suis fan de celle-là. La chanson du roux. Ah ouais, mais le lait, ça peut servir aussi pour mettre de la chicorée. Oui, oui, parfait, mais attends, est-ce que tu peux nous faire la chanson du roux et on ne parle pas pendant la chanson, on te laisse tout seul. D'accord. Allez, vas-y. C'est le roux qui vient de se réveiller, elle est bonne la chicorée de le roux. Le roux, petit déjeuner, un amour de roux. Qu'est-ce que c'est? Elle est bon bien. Ah, moi j'adore. J'adore le roux. Ah, ouais, mais tu as raison de l'aimer. Tu as raison. Il est tellement gentil. En mais plus oui. de ça, ah, surtout lui. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Oui. Et vous dites pas comme quoi c'est de ma part. Non. On n'est pas à la radio, t'inquiète. Parce que hier, je suis passée dans le polo chaud. Oui, brièvement. Et polo, lui, il a raccroché. Oui. Salaud. C'est vrai, c'est un foiré. Alors, ce qu'il y a, c'est que là maintenant. Il me contente que dommage que je ne suis pas à la radio. Ouais. Il faudrait lui faire un coup. Vas-y, vous pouvez lui faire dis-nous. Un petit coup. Qu'est-ce que tu veux Alors, faire quand il va arriver tout à l'heure, il va enlever sa veste. Ouais. Son blouson. Ouais. Regardez bien où il va mettre son blouson. Ouais. Bon. Est-ce que quelqu'un peut aller dans les toilettes? Ouais. Je sais pas, il y a bien des papiers WC. Ouais. Bon. Vous prenez beaucoup de rouleaux et tout. Ouais. Et puis vous fourrez le blouson de polo. Avec beaucoup de papier WC. Dans les manches, il faut mettre des trucs, du papier. Comme ça, après, quand il va vouloir mettre son blouson après, il y aura plein de rouleaux de papier WC dedans. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est ça, bien. Ah ouais, ça, ouais. Et il faudrait aussi, quand il va s'asseoir sur sa chaise. Ouais. Parce que là, sa chaise, elle est vide, là. Non, bah non. Il y a Mickaël dessus, là. Mickaël, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il va arriver tout à l'heure, Polo, ouais. Tu t'enlèves de la chaise, mais avant qu'il arrive, sans qu'il te voie, tu mets de l'eau sur la chaise. Non, mais histoire très bien. Parce que moi, je veux me venger de. Oui, oui, tu as raison, mais t'as raison. Attends, pour terminer la chanson du roux, encore une fois, allez, pour terminer. C'est le roux qui vient de se réveiller, elle est bonne, la chicorée de le roux. Le roux au petit déjeuner, un amour de roux. Pourquoi tu dis pas la chicorée du roux? En fait, laisse-la dire. La chicorée de l'eau. Est-ce que vous avez vu les textes hier? Oui. Ah bah, je te repasse Micha, il voulait t'en parler justement des textes. J'ai lu sa lettre, qu'est-ce qu'elle m'a fait. Bah oui, mais justement, Micha voulait en parler longuement avec toi. Voilà, au standard et en antenne. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bah non, mais elle dit quand même, bon, j'adore Mickaël, j'adore machin. Polo est très intelligent, il est comme moi, même s'il est furieux. Il est comme moi, il n'a pas de diplôme, mais bon, vous avez bien remarqué, je n'ai pas de diplôme et pourtant j'ai un talent artistique inné. C'est bon. Un amour d'or ou de l'euro. Non, à la fin elle dit d'or ou, c'est au début, elle dit je sais plus quoi, de la chicorée de l'euro. La contraction se fait pas, ouais. La chicorée de l'euro. Allez, on revient après la pub, restez là. Ah bah tiens, encore un peu, tiens. On va revenir aussi avec le Cuny, Christophe, Élise, Luc. On va se faire également un petit Chéri, je t'ai fait cocu ou un GAV juste après le son de Timbaland et Katy Perry, If We Ever Meet Again. Et voilà le son donc de Timbaland et Katy Perry, If We Ever Meet Again. Oui, parce que Mike est en train de parler d'argent avec PayPal, hein, bien ouais. évidemment, comme d'habitude, quand c'est pas le foot, c'est eBay ou les comptes PayPal ou tous les business. Ah ben, et c'est Roux pour la peine qui est venu me demander. Hein. Oui, mais bah, non, c'est des sujets de discussion, toi. Ah, mais le Roux, j'en ai lancé plein en antenne, tu te fous de ma gueule. Non, c'est toi, c'était Carlon. Juste dire du mal des gens. C'est toi, Carlon. J'ai dit quoi? T'as dit du mal de plein de gens. Vas-y, dis ce que j'ai dit. Mais non, je vais pas le dire à l'antenne. Bah, me fais pas passer pour la tupu de l'équipe. Monsieur est, par exemple. Ah ouais. Ah oui, c'est normal, monsieur, c'est normal. Bon, c'est un bouffon. On aura tout à l'heure justement le polo show, bien sûr, on fera également un petit tour du côté du question pour une réponse et puis nous allons avant de récupérer le CUNY avec Christophe, Élise et Luc et le problème du forum du jour aussi, nous avons Séverine. Comment ? Bah non, tu nous avais promis un truc bien chaud. Ah oui, bah il arrive, t'inquiète. Bon, Séverine qui est là, 21 ans de Saint-Étienne. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Céline. Séverine, pardon. Combien mesure Séverine? Ah ouais, ça 1m67. Combien pèse Séverine? 60 kilos. Quel est le tour de poitrine de Séverine? Ah, ça, je sais pas. À peu près. Bah, tu dois savoir quand même. Quelle meuf ne connaît pas son tour de poitrine? C'est dingue quand même. Je sais pas, 95D. Mytho. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 40. Ouais, ça va, ça va. C'est honnête. Mais en même, plus, temps, en même temps, si elle fait chérie, je t'ai fait cocu, c'est qu'elle a déjà un mec, toi. Oui, oui, mais ouais. Bon, en même temps, comme elle sera célibataire après. Oui, bah, c'est pas sûr non plus encore. On verra, on verra, on verra. Bon, on y va. Donc, c'est parti. On va l'appeler. Qu'est-ce que tu vas lui faire croire? Donc, en fait, que vendredi, quand j'étais à l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur, en fait, et bah, que j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et donc, que je suis avec lui bah, en ce moment, en fait. D'accord. Et puis, bah voilà. D'accord, ok, non mais il y a pas de mal, hein, très bien. Donc moi c'est Michel. Ouais. Ok. Et puis donc enterrement de vie de jeune fille. Comment elle s'appelle la celle qui va se marier? Adeline. Adeline, d'accord, ok, très ouais. Bien, parfait. Bon, eh ben on y va. Donc t'es chez moi. On est censé être où? Pas trop près de chez lui, mais pas trop loin non plus. Ouais, mais lui ça va, il habite sur Lyon, donc. C'est bon. Ah bon, bah très bien. Alors parfait. Donc je suis à Saint-Étienne. Il est fan de foot ou pas? Non. Ah, il est pas fan de foot, merde. C'est dommage, parce que je sais qu'entre Saint-Etienne et Lyon, en général, ça... Mais il n'y a pas que dans le foot. Ouais. Hein. Ça tape un peu, là. Bon, c'est pas grave, écoute, on va se démerder. Il aime pas du tout le foot? Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce qu'il pense des mecs qui aiment bien le foot? Bah, rien de spécial, en fait. Ah, merde, oh putain, c'est genre, il pourrait détester ce genre de mec-là. Bon, tant pis, c'est pas grave, on improvisera. Bon, on y va, Séverine. Au plus, tu le rends dingue. Au plus, t'as de chance de repartir avec soit la PS3, soit la télé Full HD Samsung 42 pouces, d'accord? Plus d'accord. L'album de One Republic avec All the Right Moves, ok? Ok. Allez, on y va, c'est parti. Bonne chance. Et un conseil, ne le fais pas à la version déprime, genre, ouais, je fais une connerie, je suis désolé, tu me faisais confiance, mais je t'ai trompé. Enfin, tu vois. Ouais. Rentre dans le tas, si je peux me permettre. Allô? Oui, c'est moi. Ouais. Ça va, bébé? Ça va. Et toi? Ça va, bébé? Ouais, ça va. Hein? Bon, bah, écoute-moi. Hein? Oh là là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Eh ben, en fait, bah, je t'appelle pour dire que, bah, tu sais, vendredi, quand je suis sortie avec Adeline pour son enterrement de jeune fille. Ouais. Eh ben, en fait, eh ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et là, bah, en fait, je suis avec lui. Oh, mais. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah, voilà, tu sais, je préfère te le dire quand même. Mais attends. Là, tu m'appelles par téléphone, je suis avec mon pote et t'es en train de me dire je sais pas quoi, là, tes histoires. Bah ouais, mais après, ça arrive à tout le monde. Non, mais attends, ça fait 2 ans, on est ensemble, là. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Oui, mais après, j'avais besoin de changement aussi, après, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu besoin de changement? Ça allait très bien la semaine dernière, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je comprends pas ce que t'es en train de me dire, mais t'es où, là, déjà, là, t'es où? Bah, je suis avec lui, je suis chez lui. T'es où chez lui? C'est où ça chez lui? Bah c'est à Saint-Thé. Où à Saint-Thé où? Bah Saint-Thé. Oh, t'es en train de me foutre la mort là, mais grave là. T'es où à Saint-Thé? Mais je suis à Saint-Thé. Je suis où chez lui, à Saint-Étienne? Bon Sève, c'est terminé au téléphone. Je te dis pas chez lui, dis-moi où. Bon Sève, c'est terminé au téléphone. Non, attends. Ah, mais c'est qui ça? Dépêche-toi. Ah, passe-moi-le. Bah tu veux lui dire quoi? Passe-moi-le. Qu'est-ce qu'il veut me parler? Vas-y, passe-moi-le. Oh là, bah attends, je te le passe. Bon, bah passe-moi alors. Ouais, je te le passe. Bon, comment il s'appelle? Adrien. Oh là là. Allô? Oh, t'es ouais. Qui toi? C'est Michel. C'est qui ça, Michel? Non, Michel. Oh, Michel. Oh, ouais. T'es d'enculé, va. Oh, écoute-moi bien, t'es avec ma meuf là. Non, mais tu sais même pas à qui tu parles. Non mais mon pote, je crois que c'est toi, tu sais pas à qui tu parles. Non mais aussi je parle à Adrien bien. Déjà avec un nom aussi ridicule que celui-là, si tu veux, il vaut mieux pas se la ramener. Parle pas, je suis chez moi, je suis chez moi là. T'es chez toi? Ouais, je suis chez moi. Vas-y, dis-moi où t'es, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu viens faire? T'es où là toi? Moi, t'inquiète pas, dis-moi où t'es toi. Mais je m'inquiète pas, je veux savoir où t'es. Non mais moi je suis chez moi, Non mais c'est où ça? C'est où chez toi? Moi je suis sur Lyon là, vas-y, dis-moi. T'es sur Lyon? Quel bâtard. Ah ouais, bâtard. Mais c'est quoi, j'ai été une fois à Lyon, c'est nul, ça pue. Mais, bon, tu sais quoi, arrête de jouer avec mes nerfs. Là, mais je ne joue pas avec tes nerfs, je dis juste que je pense à ta ville, c'est nul. J'en ai rien à foutre que t'aimes ma ville ou pas, dis-moi où t'es, moi je viens à Saint-Etienne maintenant. Que t'aimes Lyon ou pas, je m'en bats les couilles de ça. C'est nul. Avec ma meuf, espèce d'enculé, là. Alors, c'est là, nul. Pas malin, là. C'est nul ta ville, c'est nul. Oh mais, mais t'es un gamin ou quoi? Ça n'a rien à voir. Attends, c'est toi qui commence à venir m'embêter avec ça, là. Oh, ouais, c'est quoi? Vas-y, donne-moi ton numéro, ton adresse, tout. Déjà, t'appelles en masqué, là. Pourquoi? Vas-y, repasse-moi là, l'autre, là. Repasse-moi là. Non, là, l'autre, là, et un peu de respect, ma meuf. Ferme ta gueule, vas-y, ferme ta gueule, repasse-moi non, là. Non, mais attends, tu vas te calmer, déjà. Passe, excuse-toi. Passe. Excuse-toi, je te dis, avant que je m'énerve. Parce que je faisais allez, le semblant d'être un peu débile, mais excuse-toi, je te dis. Ferme ta gueule, allez. Excuse-toi, je te la repasse. Ferme ta gueule. Faut que je me fâche. Faut que je me fâche. Vas-y, mais fâche-toi, il n'y a pas de souci. Tu veux que je rugisse comme un lion? Oh, c'est bon, ça. Hein? Bon, vas-y, passe-moi là, passe-moi là. Bon, excuse-toi, je te la repasse. Hein, soyons allez, bons amis, gueule, vas-y, une petite tape dans le dos. Allez, Ad, vas-y. Tape dans le dos, tu vas voir la tape, je vais te mettre, moi. Ça te dérange pas si je t'appelle Ad? Ouais, ouais, vas-y. Parce qu'Adrien, ça fait un peu blaire. Eh, ferme ta gueule, là. Michel, je crois que c'est mieux, baltringue, va. Ouais, bah ouais, parce que Michel, ça fait mimi, tu vois, c'est sympa. Bon, passe-moi là, là. Bon, excuse-toi, je te la repasse, tu m'énerves. Allez, passe-moi là. Voilà, excuse-moi, c'est presque pareil. Excusez, là. Vas-y, m'excuser. Vas-y. Allez, ferme ta gueule, passe-moi là. Vas-y, t'énerve pas. Bon, Séverine, hey, il veut te reparler, je te le repasse ou pas? Elle dit que t'es un bouffon. Allez, ta gueule, vas-y, passe. Je te le repasse. Ah, elle dit non. Elle dit qu'elle veut plus te parler, que t'es une merde et tout. Enfin bref, en plus qu'elle aime pas Lyon, elle dit que c'est une ville de merde. Ah, bah ça c'est pas ce qu'elle disait, ça. Ah ouais, mais elle a changé. Enfin, bon, attends, elle va te le dire elle-même, je te la repasse. Seb, tiens, vas-y, prends le téléphone. Ouais. Oui, allô. Bah il est gentil, mais il est un peu bête, hein. Attends. T'es où? Non, bah ça fait 15 fois qu'il pose la question, il comprend rien. Je suis avec lui. Attends, depuis tout à l'heure tu te fous de ma gueule, là tu m'appelles, tu me racontes tes histoires, là. T'es où? Dis-moi où t'es. Mais je suis chez lui, je t'ai dit. Et c'est où chez lui? Putain, mais faut te répéter les choses combien de fois? C'est où chez lui? Mais lui, il comprend rien, ça fait 15 fois que tu dis que c'est chez moi. Pourquoi il veut savoir ça? Il ramène une bouteille, on va fêter ça? Voilà, bah exactement. Oh, il a tout compris. C'est ça, il prend pour un idiot. T'as tout compris. Je ramène une bouteille, on fête ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, je ramène une bouteille, il n'y a pas de problème. Hein, ça te dit ou pas? Attends, je suis au téléphone, arrête de me tripoter. Si on peut plus rien faire, alors maintenant. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais, Pélo? Rien, je suis avec ma meuf. Qu'est-ce que t'as, toi aussi, là, faire comme ça, là, le tapin, là, qu'est-ce que t'as, là? Non, mais attends, mais il est bête ou quoi? Je paye pas, moi, c'est gratuit, hein. Elle fait pas le tapin. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule, allez, vas-y. En plus, c'est dommage que tu perds, hein, parce que la paire, là, c'est. Enfin, ça tombe, on n'arrive pas, on voit pas ça tout le monde, hein. Parle-moi pas, toi. Déjà, espagnol, moi je dis ça. Quand tu m'appelles, il est là, l'autre là. Mais t'es niqué, toi. C'est normal, on l'appelle de chez moi. Toi, ferme ta gueule, toi. J'ai mis le haut-parleur, alors fais attention, j'entends tout. Bon, vas-y, allez. Après, ça arrive à tout le monde, après. Ben voilà, c'est un petit. C'est quoi, qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est une petite écarcade, c'est pas grave. Y a pas d'écarcade. Va me chercher un truc à boire, s'il te plaît, à la cuisine. Ouais, j'y vais. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? Attends deux secondes. Attends, je te dis. Dire ça, là. Attends. Hein? Attends. Vas-y, passe-moi là. Attends. Elle est partie à la cuisine. Attends quoi? Ouais, voilà. Non, elle est partie à la cuisine. Dis, entre nous, hein, on fait semblant, là, je fais semblant de gueuler tout ça, mais je m'en branle, là, c'est que pour le cul, hein. Eh, va te faire enculer là. Ah non, mais attends, mais je te dis ça, c'est, je te la rends, hein, tu vois, c'est juste pour vas-y, une petite. Vas-y, dis-moi ton adresse de ta ville de Saint-Etienne de merde là. Attends, moi je te dis que je vais te la rendre, t'as vu comment tu me parles, tu devrais me remercier, t'es con quoi. Bon, vas-y, ferme là, passe-moi là, Attends, je comprends pas, attends, moi je croyais te faire plaisir là. Attends deux secondes. Ouais, mets des glaçons. Donc je te la rends et tout, t'inquiète pas, moi j'en ai rien à foutre. Vas-y, tu me la passes ou pas? C'est que pour un coup de soir. Ouais, justement, je te la repasse. Ouais, merci, tiens, je te le repasse deux secondes. Allô? Ouais. Oui. Bon, c'est quoi cette histoire là? Tu m'appelles comme ça là, en plus, il y a combien de télos là? Il y en a un, deux, ouais, c'est quoi ces histoires là? Ouais, mais t'es niqué, toi, tu veux que je te boxe, c'est ça? Mais non! Mais après, ça arrive à tout le monde! Mais qu'est-ce que ça arrive à tout le monde? Oh, ça y est, là, t'as fait une écartade, y'en a plus, ça y est, c'est fini. Mais après, j'avais pas le choix aussi de faire une écartade, parce que voilà, tu... Non, mais y'a pas d'écartade. Oh, Seb, de toute façon, pendant que t'étais à la cuisine, il m'a dit qu'il en avait rien à foutre de toi, que c'était que pour le cul, alors moi, je dis ça. Dis-lui qu'il a fermé, là, oh là là. C'est pas très honnête de sa part, quoi. C'est vrai. Surtout si vous êtes ensemble depuis je sais pas combien de temps, ça se fait pas, quoi. Bon, vas-y. Bon, bah, je te dis ciao, alors. Hein? Mais non. Oh, bah, il va déjà partir maintenant. Bah Didi, Dridri. Mais c'est qui ce bonhomme là, sérieux, mais c'est quoi ça? Dridri. Hein? Dridri. Vas-y, dites-moi où vous êtes, au lieu d'être là, de... Charles malin là, tu fais le malin derrière le téléphone, dis-moi où t'es. Bon, on est à Paris. T'es à Paris? Ouais. Eh ben j'arrive, dis-moi où t'es à Paris. Alors 22, rue des Écartades. Hein? Rue... Ouais, Tu notes? Enculé. Tu notes? L'adresse balourde, là. Bah, je vais te le donner, 22 rues. Ah, je vais t'épeler, c'est long. Pour un compte à Paris, c'est à Saint-Etienne. Non, je suis à Paris. Là, t'es pas loin, là. Je suis à Paris. T'es à Saint-Etienne, ferme ta gueule, c'est très regarde, bien. Regarde, je mets le téléphone par la fenêtre, tu vois la tour Eiffel, regarde. Allez, ta gueule, vas-y, va te faire enculer, pelot. Alors, je vais te démonter, arrête de faire le malin, là. Qu'est-ce que... Bon, allez, vas-y, c'est vrai, une dilue, le pauvre, là, il s'énerve pour rien, là. Bébé. Il va nous faire un infarctus. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un jeu. Ouais. C'était quel jeu? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, c'est un chéri, je t'ai fait cocu. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais t'es niqué, toi, non? Ça va? Tu vas bien ou tu vas pas bien? Mais non. Tu vas bien ou tu vas pas bien? Bon, t'es en direct à la radio, Adrien, sur Énergie. C'était le chéri, je t'ai fait cocu, voilà, un petit jeu comme ça. Bon, en tout cas, nous, c'est bien marré, toi, je ne sais pas, mais... Non, lui, je crois pas. Ah. Non, moi, je suis pas marré, moi. Ouais. Ouais. Bon, lui, moyennement. Bon, écoute, tu sais quoi, Adrien? Ce qu'on va faire, c'est que... Elle va se prendre une branlée, là, c'est sûr. Hein. Ah non, elle va te branler, mais ça, c'est pendant une semaine, hein, ouais, c'est obligatoire. Elle va s'en prendre une aussi. Voilà, bah, si tu veux, une petite faciale, si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais... hein. Pas de problème. Bon, alors, sinon, entre la branlette, une PS3 ou un écran Full HD 42 pouces, tu prends quoi? Ah, c'est dur, c'est dur, difficile. Ah ouais, parce que si tu prends pas la branlette, elle va dire ah ok, alors je te branle mal. Ah bah d'accord, ok, ah bah tu iras te branler sur ta télé, tu verras. Alors que si tu avais proposé une petite sodomie, il aurait peut-être encore plus hésité. Ouais, c'est vrai, mais non. Tu prends quoi? Je prends la télé. Tu prends la télé, t'as vu, Séverine, il préfère la télé à une branlette de toi. Ouais, c'est vrai. Tu es enculé quand même, hein. T'as vu un peu. Hein. Oh putain, ça se fait pas. Ah, mais ça va, ouais, j'ai le cœur soulagé. Ça va mieux. Bon, là, ça va télé mieux. Full HD Samsung, donc 42 pouces pour toi avec l'album One Republic All the Right Moves. Vous gérez ça hors antenne, d'accord, voilà, tous les deux. Merci beaucoup. Ouais, allez, salut à vous. Merci, bisous. Ciao, bye bye. Ciao. Et Adrien. Ciao. Bon, excuse-toi quand même, Adrien. Excusez par rapport à vous. Bah oui, par rapport à moi. C'était un peu violent, un peu violent. Oui, vous, vous, moi. Je m'excuse. Voilà, à la bonne heure. Mais bon, quand même, c'est pas des bonnes blagues, ça. C'est vrai, t'as vu? Tu sors avec un bouffon, il s'excuse. C'est nul. Ah, mais je m'excuse, ça va qu'il y a le cadeau. Ouais, bah j'imagine, ouais. Bon, Séverine et Adrien, retour chez Micha au standard. Et puis, félicitations, hein, deuxième chéri, je t'ai fait cocu, réussi pour Micha. Bravo, Micha! Arrivera-t-il à faire un sans faute toute la semaine? Je te paye un café, faut lui mettre une carotte. Ouais. Non, il n'y a pas besoin. Non, mais ça fait plaisir. Parce qu'hier, il se lève pour dire vous ça. Vous n'avez pas applaudi. Il fait que tout le monde le voit. Vous n'avez pas applaudi hier. Regarde comment il se la raconte, il se met au balcon, il attend qu'on applaudisse. Ça, comme les gars qui ramènent la coupe à la mairie. C'est ça, ouais. Bon, donc, attention. On est quand? On est mardi, mercredi, il en reste 3. Mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Oh, non, ça va le faire, je le sens bien, c'est une bonne semaine. Est-ce qu'on va faire du platinium toute la semaine? C'est platinium toute la semaine. Ah, full platinium. Ce qui est grave, c'est qu'on me félicite de faire son boulot. mais c'est l'avion qui a atterri, tu sais. Ouais. Pas du tout. C'est ça. C'est pas un métier, c'est quelque chose de particulier. Ouais, tu vois, faut trouver les gens, il faut que ça décroche, c'est très dur. Ouais, c'est ça. Ça. Allez, on va se mettre Remedy PNR avec No Superstar. Et puis juste derrière, on aura bien sûr le bac du jour, comme tous les soirs, et retour du CUNY aussi avec Christophe, Élise et Luc. Et on écoutera aussi les morceaux dramatiques de l'Eurovision. Ça va être dur. Remedy PNR à l'instant, c'était No Superstar sur Énergie. On se fera tout à l'heure le question pour une réponse. On écoutera également les sons dramatiques de l'Eurovision. Heureusement, c'est ceux qui se sont fait sortir, je crois. Non, même pas. Non, c'était aujourd'hui, c'était la présentation des 37, je crois, ou 36. Ah, il y a trop, quoi, de toute façon. Hein. Qui vont participer, tu sais, il y a deux demi-finales et après, il en reste 20, en fait, qui participent la grande finale. Donc, ils ne sont pas fait sortir, enfin, pas encore. Non, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'était la présentation de tous les mecs qui ont été sélectionnés dans chaque pays. D'accord. Donc, peut-être plus tard. Nous verrons ça. Bon, en tout cas, on vous tient au jus, bien sûr. On écoutera ça tout à l'heure. On aura le problème du forum du jour. On aura encore Élise et Luc par rapport au CUNY. Et puis, le Mac du jour maintenant. C'est parti. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour. Un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu, une fois de plus, c'est la burqa et le projet de loi sur l'interdiction de celle-ci qui fait couler beaucoup d'encre. Hein. Mais même entre eux, ils sont pas d'accord, ces gens-là. Oui, bah je ne vois pas ce que tu veux dire par eux et ces gens-là, mais effectivement, Hortefeux et Besson ont du mal à s'accorder sur un point. Besson explique que pour retirer la nationalité française, c'est pas aussi simple que ce qu'Hortefeux le pense. Bref, c'est assez compliqué de s'accorder à l'UMP. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ces gens-là, de l'UMP. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Bon, bah, de toute façon, le PS tape scandale aussi sur cette loi. Et ma mère, l'écolo, lui, parle carrément de retour au gouvernement de Vichy. Oui, ah, mais d'accord. Tous ces arguments ne pèsent pas lourd comparé à ceux de la ministre de la Santé. Ah, pourquoi elle a quoi ? Ah bah Roselyne Bachelot, elle est dégoûtée. C'est-à-dire qu'avec cette loi, plus personne n'aura le droit de porter un masque anti-grippa, donc ça la fout mal quand même. Oui. Bon, on continue en France avec ce livre qui va sortir dans les jours à venir et qui raconte tous les dessous de l'affaire Johnny Hallyday. Ouais, c'est ouf. Apparemment, quand il est retourné à l'hôpital, c'est parce qu'il était complètement bourré et qu'il est tombé dans les escaliers. Ouais, ouais, ouais, il a ouvert sa plaie du coup. Voilà, donc oh on là on... là, le pave, l'épave. On, ah y, bah. Ouais. On y apprend aussi qu'en cas de décès, le corps de Johnny aurait été rapatrié dans l'avion présidentiel et qu'une descente du cercueil le long des Champs-Elysées aurait été organisée. Ah ouais, carrément, obsèque nationale et tout. Enfin, franchement, ils avaient tout prévu. Ah, c'est le chanteur numéro 1 en France. C'est normal que le pays s'occupe de tout ça à l'avance. Oui, mais enfin, il est belge. Hein. Ah, et alors, ils avaient prévu quoi, les Belges, pour la mort de Johnny ? Bah, incinérer sa tête en Flandre, enterrer ses jambes en Wallonie, exposer ses bras à Bruxelles. Beau pays. Ouais, bon. Et on termine en France avec certains policiers qui boudent Michel Drucker. Et oui, l'animateur présentait ce soir l'émission Au cœur de la gendarmerie sur France 2. Et certains policiers sont jaloux de ne pas y participer. Ah, genre que c'est la gendarmerie et il n'y a rien pour la police et les CRS. Quoi. C'est ça, exactement, ouais. Attends, ils se prennent pour des vedettes ou quoi ? Déjà qu'ils passent tous les soirs dans le JT de 20h, les flics, ça leur suffit pas ? C'est vrai. Allez, on passe au con du jour maintenant avec Toff. Oui, et ce soir, c'est un donc con... c'est du cul. Non, c'est un con du jour historique avec un grand H, monsieur. Ah, bah, ah. Con, c'est avec un C. Hein. Ouais. Ah oui, pardon. Et donc, en fait, non, ouais, c'est une histoire hallucinante. C'est des chercheurs qui sont revenus sur le naufrage du Titanic. Ouais. Ouais. Ouais. Et en fait, ils ont regardé les chiffres. Ils ont remis en cause. Il n'a pas coulé. Le Titanic n'a pas coulé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, ils ont regardé le nombre de survivants et ils se sont rendus compte qu'il y avait une nationalité qui ressortait plus que les autres. Ouais. Les Américains. Et qui étaient en fait plus nombreux que les Anglais à avoir survécu. Alors, du coup. Oui, attends, est-ce qu'il n'y avait pas plus d'Américains à bord ? Non, proportionnellement, en fait. C'est-à-dire que proportionnellement au nombre d'Américains qu'il y avait dedans et proportionnellement au nombre d'Anglais, il y a plus d'Américains que d'Anglais qui sont sortis vivants. Ouais, d'accord. Et du coup, ils ont voulu comprendre pourquoi. Ce qui s'était passé. Et c'est là que les Anglais sont très très cons. En fait, le jour où le Titanic a commencé à couler, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont précipités pour aller prendre les canots. C'est-à-dire que ils sont bourrés dedans, ils sont limite tapés pour pouvoir les prendre. Alors que les Anglais. Ils ont cherché leurs affaires. Aller boire une tasse de thé. C'est presque ça. Les mecs faisaient gentiment la file en attendant qu'on leur présente un canot dans lequel ils pourraient monter. Non, mais c'est exceptionnel quand même. Et c'était chacun son tour dans l'ordre et la discipline. Mais ça, avec on peut pas savoir. C'est ouais, leur idée. Parce que ça se trouve, ils se sont dit, ils ont fait monter les quinries par pur. Par hasard, ouais, ou alors médecin. Non, parce que c'était une compagnie anglaise. Ah oui, oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc, ouais, non, c'est vraiment que les Anglais, ils étaient bien rangés et tout. Et les Américains, ils n'en avaient rien à foutre. Ils étaient premiers dans le canot, premier parti. C'est encore une imagination, hein. Ouais, alors, mais on va pas le prouver, sinon, c'est encore pas un bon exemple, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Plus t'es sage et que tu fermes ta gueule, et moins tu t'en sens dans la vie, quoi. C'est en gros, c'est ça. Bon, mais merci pour ces cons du jour. On passe à présent au sport football. Après cette victoire en finale de Coupe de France, les dirigeants du PSG ont décidé de récompenser les joueurs. Mais c'est improbable, ça. Il faut une saison de merde et on les récompense. Ouais. J'aurais dû faire footballeuse, moi. Ah oui, attends, et pas qu'un peu. Hein. 30 000 euros de prime de match et une montre de luxe en édition limitée gravée à leur nom. Non, mais pas 30 000 euros de prime de match, c'est pas possible. Ouais, enfin, d'ailleurs, la marque de montre sera sur le maillot pour le prochain match contre Valenciennes. Ah. C'est comme ça que ça marche, donc, les sponsors. Ouais, oui. Ouais. J'aurais vraiment dû être footballeuse du PSG, alors. Pourquoi ? Là, tu reçois des produits et tout. En plus, ils ont dû avoir des kilos et des kilos de pitch. C'est bon, les pitch. Ouais. Bon, pendant que Sandro pense à son estomac, donc on va continuer avec le foot toujours. Et avec l'affaire Zaya, évidemment, Franck Ribéry reçoit pas mal de soutien, notamment celui de Bernard Laporte, qui trouve les médias outranciers et dégueulasses avec le joueur de l'équipe de France. Et l'ancien secrétaire d'État rappelle également que Ribéry n'est pour l'instant pas mis en examen. Oui, c'est vrai, ça d'ailleurs. Moi, je suis sûr qu'en fait, il a juste honte de révéler ce qu'il a fait, la vérité, quoi. Comment ça ? Bah, tu sais, Ribéry, c'est un blagueur, quoi. Il est du genre à acheter des seaux d'eau sur ses potes et tout. En fait, la vérité avec Zaya, c'est juste qu'il joue à Chabit, quoi. Il a perdu. Allez, sur ce mag du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on va se faire le quiz des citations. Qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi les gens font une fixette sur mes fesses » Jennifer Lopez. Non. Beyoncé. Non. Rihanna. Non. Jennifer Aniston. Non. Jessica Alba. Non. Damido. Non. Ah, c'est un homme, peut-être. Non. Allez, indice. Prénom, le même que la fille de Jack Bauer. Non. Voiture en anglais et produit lessivé ennuyeux. On bat les couilles. Non, si je pourrais te chercher. Des indices pourris comme ça, c'est bon. Car Lagerfeld. Non. Comment s'appelle la fille de machin? De Jack Bauer? Bauer. Non, Son nom de famille, c'est Bauer. Oui, d'accord, je te remercie. Ah oui, enfin, sinon, je te donne la réponse. Bah non, mais la fille. Bah oui, c'est la fille aussi. Oui, mais s'appelle... je connais pas la série. Ah oui, bah, c'est dommage. Ah, mais ils le disent tellement pas, son nom. Bah si, oh, attends. Si. Ah, et Kim. Ah oui, c'est vrai. Kim Kardashian. Kardashian. Voilà, Kardashian. Voilà. Ah oui, oui. D'accord. Bon, qui a dit mon album s'appelle Où je vais parce que je me pose la question au quotidien? Oh, ça, je l'ai vu, ça. Ah oui, mais enfin, faut retenir après, hein. C'est l'autre de la nouvelle star là. Sohan? Non, non l'autre. Camilla Jordana? Ouais. Non. Ah, il y a Micha qui a l'air de savoir. Ah, ouais, bah, ah c'est Chaim. Non. Non, c'est indice. Je peux dire? Non. Prénom, email prononcé par un épicier rebeu. Non. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta. Dans ma prononcé par un épicier rebeu. Ah oui, zoom zoom zen dans ma prononcé. Alors, où je vais? Nanana. Non, j'ai juste un indice. Ah, quel indice, Micha? Ah, c'est Maë? Non. Oh là là, c'est une fille. Putain, je vois pas. Attends, email. Ah! Oh merde! Elle aime pas le moment comment tu m'as fait. Ah ouais, ah, Amel Bent. Ah. Amel Bent, ouais. Bon, et enfin la dernière qui a dit: rejoignez-nous dans le combat pour la défense des canards et des oies en ne mangeant plus de foie gras. Ouais, non, mais les gens ils peuvent pas défendre d'autres causes, merde! Qu'est-ce qu'il répète? Qui a dit rejoignez-nous dans le combat pour la défense des canards et des oies en ne mangeant plus de foie gras? Bah, je vais me faire le double de foie gras la prochaine fois. Mais c'est. Ah si, c'est... putain, je sais qui c'est. C'est pas Demi Moore, c'est. Eh ben non, c'est pas ça. Non, pardon. Que... Prénom, le chat en anglais, nom. Gagné en anglais et service à remettre au Kate Winslet. Kate Winslet, effectivement, c'est une bonne réponse. Mais elles sont pleines. Elles ont posé nu là pour dire aux gens de se aller au cirque. Ah bah ouais, bah là en l'occurrence. Aller au cirque, Kate Winslet. Ouais, au cirque. Bah parce que soi-disant c'est pas bien pour les animaux, alors du coup il faut plus que les gens ils aillent au cirque. Bah, faut pas qu'ils aillent au zoo alors. Ouais, c'est ça en fait. Ah bah je pense que c'est leur prochaine étape. Ouais. Allez, fin du Mac du jour, autour du Mac du jour, un autre jour. Et on se met un petit peu de son, ceux qui devraient normalement être avec nous demain, mais ce sera reporté puisqu'ils sont malades, mais c'est pas grave. On se met Bel Air DJs maintenant, tu Facebook sur énergie. Voilà, Bel Air DJs à l'instant, tu Facebook sur énergie. Ils devaient normalement être avec nous demain, mais ils sont malades. Enfin, il y en a un des deux qui a une extinction de voix, dommage, parce qu'il devait faire le son en live, donc c'est pas grave. Du coup, rencard la semaine prochaine avec Bel Air DJs en live dans l'émission. Aussi simple que ça. On mettra dans un instant un nouveau son Rock US. On aura également Muse qui débarquera tout à l'heure. Et puis. À part si tu mens sur la cave. Ah non, alors c'est un autre son de la cave. Donc du coup, pas de Facebook, pas de Muse, mais c'est pas grave, on le mettra un autre jour, hein, vous inquiétez pas. Et puis on salue encore une fois ceux qui sont sur le groupe Facebook, donc mikl.fr, rubrique communauté. Il y a Cyril, il y a Laura, il y a Valentin, Rebecca, il y a Anne, il y a Antoine et tous les autres qui sont là. Donc lâchez encore vos messages, bien sûr. mikl.fr, cliquez sur la communauté. Avant de faire péter les sons de l'Eurovision, nous allons reprendre Élise et Luc maintenant. Alors malheureusement, on a perdu Christophe, plus de batterie. Bon, c'est pas grave, Christophe, t'es derrière la radio par rapport à ton conseil, puisque ta meuf voulait un cuni, toi t'oses pas trop. Élise qui nous avait dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être éventuellement le faire. T'avais joué le rôle de la meuf de Christophe, hein, Élise, tout à l'heure. Oui, oui. Voilà, et donc, alors toi, Luc, c'est quoi ton avis? Bah, le truc, moi je trouve, personne m'en a parlé, d'ailleurs ça m'étonne. Bon, bah dommage qu'on ait plus Christophe, mais il y a peut-être un problème de pilosité, quoi. Ah, qu'il y ait trop de poils. Ah ouais, tiens, c'est pas con ça. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire, si c'était juste les poils, sans problème, c'est ça, c'est facile. Tu dis à ta meuf, bon, écoute, tu me rases tout ça, je te bouffe la chatte. Ouais, mais bon, admettons après la. Mais c'est pas ça, il en a pas du tout parlé, donc ça doit pas être ça. Ouais, ça doit pas être ça, c'est vraiment lui ce qui doit le gêner, c'est ça doit être l'odeur et la texture, quoi. Ouais. C'est gluant. Ouais, bah, je sais pas. C'est un peu de la gelée, quoi. Je sais pas, après, comme solution, comme a dit Sandro tout à l'heure, je sais pas, tu commences à la tête, tu descends au nichon, tu descends au ventre, et puis bon, bah, ouais, tu descends là où il faut, quoi. Ouais, et puis c'est progressivement. Ouais, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, et il faut pas se poser de questions, et puis s'il le sent pas au moment X, il y va pas, et puis ça sera pour un autre jour. Ouais, tu t'arrêtes au nombril, tu vois, déjà ça te fait un premier trou pour voir un peu comment ça se passe, et après tu descends plus bas. Non mais ouais, mais faut commencer par le haut, c'est vrai. Hein. Ouais, elle a raison, Sandro, faut y aller par étapes. D'abord le nombril, puis après tu descends plus bas. Déjà si elle a la tête, si tu vois qu'elle a le nombril tout crade et qu'il y a des crasses à l'intérieur, elle va pas voir plus bas. C'est vrai que ça peut être vite dégueulasse. Ah, faut voir. Ah, nombril, c'est vite dégueu. C'est vite sale, hein, c'est clair. Hein. Bon, attends, Élise et Luc, j'ai mon problème du forum du jour qui avait été envoyé par Dragon 66000. J'imagine qu'il est du 66. Bonjour. Ouais. Bonjour. Allez, bonjour à toutes et à tous. Cela fait quelque temps que je me demande s'il y a d'autres personnes qui aiment lécher le minou de leur compagne alors que celle-ci vient d'aller aux toilettes plusieurs fois. Ah, Plusieurs fois, je lui ai demandé de ne pas s'essuyer et dès qu'il est arrivé dans la chambre, je me suis fait un plaisir de la lécher. Y a-t-il d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi ? Écoute, pas moi, pas moi non plus. Voilà, donc moi non plus, hein. Techniquement, c'est. Attends, c'est un mec, hein ? C'est un mec qui aime ça. C'est un mec qui aime ça, ouais, qui aime bien. Qu'est-ce qu'il aime là-dedans ? Ah, ça, je sais pas, il n'a malheureusement pas laissé plus de messages, et comme le message a été posté il y a deux jours, il n'y a pas encore de réaction. Mais j'espère, hein. J'espère que ça va venir. Ah, bah, faudra aller revoir, faudra retourner voir les réactions. Ah, ouais, je pense qu'il va falloir retourner voir pour vous tenir au courant. Sa meuf, elle va pisser, lui, il fait. Viens, écarte les jambes, je vais te faire un cuni. Chérie, tu as fini de pisser, ne descends pas des toilettes, j'arrive. En fait, c'est pour les restes, quoi, récupérer les restes. Ah, oh, arrête. Bah, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ouais, c'est dégueulasse. Et puis même la meuf, elle accepte. Mais, chacun son trip. Hein. Ah non, bah, au moins, elle le lave. Au moins, ouais. ils se sont rencontrés tous les deux. C'est déjà pas mal. Ah ouais, ils se sont rencontrés tous les deux. Ouais, ça. Après, il y a les mecs qui font la golden shower. C'est pareil, tu vois. Je veux dire, c'est quoi ça ? Golden shower ? La golden shower, bah, dégueulasse. Ouais. C'est, bah, tu te fais pisser dessus. Ah bah oui, bah oui, golden, jaune, pipi. Ouais. Ah, en plein des pommes, hein. Shower, c'est la douche. Oui, il y a le pipi, puis il y a autre chose aussi. Hein. Oui, mais enfin après, mais bon, c'est parce qu'on était dans le pipi que je disais ça. Oui, et oui. Donc voilà, il y a des mecs, enfin, il y a des meufs qui kiffent ça, se faire pisser dessus, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, Luc ? Non, mais là, moi, je me dis, là, on dit toujours que Toff, c'est un gros dégueulasse, mais Toff, il a jamais rêvé de se faire nettoyer la queue après être allé pisser par sa nana, quoi. Non, jamais. Toi, jamais. Oh, toi, pourquoi toi, oui ? Jamais. Non, mais bon, je sais pas, on entend toujours dire que Toff, ouais, c'est le gros dégueulasse de base. Alors non, on dit pas que c'est un dégueulasse, on dit que c'est un enculé avec les meufs, c'est pas pareil. Hein. On n'a jamais dit qu'il était dégueulasse. Hein. Et c'est, enfin, c'est pareil, tu vois, après une sodomie, ça m'intéresse pas non plus qu'elle me nettoie, quoi, tu vois, je veux dire. Je préfère faire moi-même. Allez, ça, ouais. Je pense. Bah, non, mais voilà, c'est dégueu. Moi, je peux pas comprendre comment après, tu vois, après ça, tu peux aller mettre ta bouche, quoi. Non, mais c'est normal, c'est pour ça, hein. C'est comme avant avec Fini, je suis désolé, mais avant la douche, quoi. Ah oui, oui, mais, mais c'est évident, ça tombe sous le sens, quoi. C'est juste une question de logique. Mm. C'est juste une question de logique, mais bon. Bon, bah en tout cas, Élise, merci à toi d'être passée. Merci, je peux faire une petite dédicace. Vas-y, bien sûr. Bah, Justine, Kevin, Clément, ma mère qui m'écoute, qui en apprend beaucoup, ma soeur, pareil. Il y aurait moyen de gratter un petit cadeau, non ? Allez, vas-y, parce que t'es resté longtemps, je vais te passer Micha, mais comme il est reparti, bah du coup, forcément, il faudrait que tu vois avec lui. Tu vas encore plus longtemps. Tu vas devoir encore un peu attendre, d'accord ? D'accord. Gros bisous, Lise. Bisous. Ciao. En même temps, il reste 1h50, on n'a plus 10 minutes. Hein. Oui. Bon, salut Luc, merci à toi d'être repassé également. Ouais, bah écoute, si je peux avoir un petit truc aussi, parce que moi j'ai glandé 1h45 quand même. Oh, arrête. Ah oui, c'est vrai, oui, on va te filer un cadeau aussi. C'est gentil. Ça va, oui, alors 1h38 pour être précis. Ouais, excuse-moi. Voilà. Non, mais on n'est pas dans le détail, c'est juste pour savoir. Oh, bah, oui. Je te renvoie chez Micha, vous gérez un cadeau tous les deux, ok ? Pas de problème. Allez, à bientôt, salut vous deux. Allez, à plus. Ciao, bye bye. Question pour une réponse qui arrive aussi dans quelques instants. Et puis on va se mettre un nouveau son Rock US dans quelques secondes, le temps de le mettre dans la machine. Ce sera The Downtown Fiction avec I Just Wanna Run. The Downtown Fiction à l'instant, I Just Wanna Run. Nouveau son Rock US. Et il y a Pauline qui demandait c'est quoi le titre, il me le faut pour ce soir. Eh bien, je vais le dire. The Downtown Fiction avec I Just Wanna Run. Et puis je le remettrai à jour, là, je suis un peu à la bourre. Les Rock US sur le mikl.fr, vous pourrez donc comme ça, comme avant, tout réécouter et vous verrez la liste, tout ça, ça va être pratique. Super son, je connaissais pas, merci de m'avoir fait découvrir. Tu gères, merci Rebecca d'avoir mis le message. Comme son, j'adore, c'est Angélique qui avait envoyé le message et donc Pauline qui voulait toujours connaître le titre. Et ben donc voilà, The Downtown Fiction, on mettra ça sur mikl.fr. Et puis encore un son Rock US que nous mettrons tout à l'heure avant de partir, juste après le Piwalo Show. Mais avant le Polo Show, c'est-à-dire une demi-heure, on a encore pas mal de choses à faire, notamment le QPR. Et nous allons pouvoir écouter maintenant les morceaux dramatiques. Ah, de l'Eurovision. De l'Eurovision. Je sais pas, tu les as pas encore entendus. Encore le bénéfice du doute. Ouais, mais enfin déjà c'est l'Eurovision, donc dès le départ ça part avec un handicap. Hein. Je propose qu'on commence quand même par le principal, Jesse Matador. Ah oui, c'est vrai, Jesse Matador est au l'Eurovision, ouais. Bon, allez, hop, on y va. Donc c'est sûr, c'est pas cette année que la France gagne. Hein. Non, ouais. Je sais pas dire. Avec ça, peu de chance. Ouais, c'est vrai qu'on sait jamais, mais... Ah ouais, c'est le son de l'année. De foot, là. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. C'est la marée Fred qu'il aurait fallu envoyer. Ouais, grave. Ouais. Mais c'est la musique que France 2 va utiliser pour la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord. Oh, ouais, mais c'est pour du recyclage. Ils ont pris les mecs pour l'Eurovision, après la Coupe du Monde. Mais ça coûte moins cher, c'est pratique. Donc ça, c'était la France. Ouais, c'est un point. Bon, pas terrible. Ouais, encore. Bon, deuxième, c'est quoi ? Alors, j'ai la Suisse, la Russie. Allez, la Suisse. La Suisse. On salue nos amis suisses. chantes français? Ouais. Français là. Ah, pour gagner, il faut jamais chanter français. Hein. Enfin, c'est ça, c'est déjà arrivé, mais c'est rare. Mais je crois que ça tourne en Suisse. C'est tous les 4 ans. Hein, ah oui, d'accord. On dirait un vieux boys band. Ouais, ou un truc de comédie musicale. Hein. Ouais. Attends, écoutez le refrain. Il pleut du nord. Ah oui, c'est la Suisse. Je croyais que j'allais dire il pleut du nord. Je me dis, mais ils sont complètement ravagés là-bas. De quoi ils parlent? Mais il pleut de l'or, oui, c'est normal. La Suisse, c'est normal. Bah, la Suisse, c'est normal, ouais. Très bien. Alors, suivant, donc, t'avais quoi l'autre? Alors, j'ai Espagne, Finlande, Pays-Bas et Russie. Allez, on terminera par le Pays-Bas. Pour faire plaisir aux roues, ça parle flamand. Ouais. Allez, c'est on va faire. Une chanson en flamand. Allez, churros, allez, les churros. Mais pourquoi ils doivent se sentir obligés à l'Eurovision de faire que des chansons pourries, quoi? Bah, nous aussi, hein. Non, non, mais je parle pas des Espagnols, je parle de l'Eurovision, en règle générale. Non, parce que je me demande s'il n'y a pas des critères. Ah, si. Bizarre. Critères de qualité. Critère numéro 1, faire de la merde. Critère numéro 2, faire un truc pourri. Critère numéro 3, faire de la merde. Genre, tu peux pas envoyer déjà des artistes confirmés, j'imagine, si, qu'on n'en a jamais vu. Avant, on embrasse Patrice Sacasse quand même. Ouais. Non, avant, tu ne pouvais pas envoyer des accès. Tu ne pouvais surtout pas, en tout cas, et ce qui n'est plus le cas maintenant, avant à l'Eurovision. Tu sais, maintenant, parfois, ils te passent des disques à la radio quand les morceaux sont bons, c'est assez rare. Ouais. Ils les passent à la radio avant l'Eurovision. Ouais. Avant, c'était interdit ça. Avant, ça démarrait après l'Eurovision, ce qui était logique. Oui, mais le fait que des artistes n'y aillent pas, enfin les artistes confirmés n'y aillent pas, c'est parce qu'ils avaient peur de se faire justement de se faire rétamer, de terminer genre 20e. Je pensais que c'était interdit, mais non, en fait, eux ils avaient peur d'y aller. C'est eux qui avaient peur, ouais. D'accord. Pourquoi tu vas pas, Tof? Bah, parce que je suis sûr de gagner. Oui, c'est sûr. Oui. Parce que plus pourri que moi, tu pourras pas faire. C'était quoi Sandra Kim, la Belge, qu'elle avait fait, je me souviens. J'aime la vie. Ah oui, j'aime la vie. J'aime la vie. Oui, c'est important. Levi. J'aime la vie. Je connais pas. Mais tu connais pas? Non. J'aime la vie. Ah oui, mais t'es pas né. Vas-y, cherche-toi. Moi, je connais J'aime la gym. J'aime la gym, ouais. De Cynthia. Ouais, c'était pas de toi, ça. C'est un dessin animé, Cynthia. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Elle était pas née non plus, hein. Je sais plus. Ça remonte à quand la dernière fois que la France a gagné? 1950. Marie Myriam, non? Ouais. Alors, je sais plus. 900 combien? 50 ou 60? Non, 60 quand même. 60. Ah ouais. 60. Bon, alors, t'es né en quelle année, Ron? 86. Ah bah putain, c'est l'année de la victoire de la Belgique. Ah, c'est une bonne année. Oh là là, l'année de la victoire de la Belgique à l'Eurovision, dis donc. T'imagines si t'achètes le journal de ton année de naissance, t'auras la Belgique gagnante de l'Eurovision. Moi j'aime bien les jeux de gamins comme ça, tu peux regarder 82 s'il te plaît. Attends. Alors écoutez, ça se trouve ta mère a écouté ça quand elle t'a sorti. Hein. Mais t'en sais rien. Non mais écoute, si, je la connais ma mère quand même. Vas-y, c'est en allemand donc. Hein. Ah ouais. Pour voir le clip. Hein. C'est à l'Eurovision, ça. Ouais. C'est une enfant qui chante. Elle avait 16 ans, je crois. Ouais. Ouais. Écoute. Mais maintenant, elle fait de la pub pour les clips. Non, je sais pas. Attends, écoute le refrain. Non, je savais pas. Je trouve que c'est pas nul à chier. Ouais, faut le remettre en 1986. Ouais, franchement. Faut revenir en 86, c'est en clair. En 86, ça va, hein. Ouais, franchement, ouais. Et donc, vous connaissiez pas du tout? Ça vous a pas percuté? Non, mais on n'est pas très Eurovision. Non, mais attends, le morceau, même après, ça reste pourri, c'est quand même passé partout, quoi. Même en France, ça a été numéro 1 aussi. Ah, 50, peut-être, hein. Oui, mais ça m'étonne pas, ouais, c'est fait comme un tube. Des années 86. Ah oui, c'est ça, c'est exactement. Vraiment les trucs, tu vois, où nos parents ou les plus âgés que nous, ils kiffent en boîte. Ah ouais. Ça, au duplex dans la salle années 80, ça cartonne. Ah, bah, tous les tocards, ils chantent, ils dansent. Ouais. C'est clair. Attends, qu'est-ce qui s'est passé en 1982? Il y a la Coupe du Monde, Sandro. 82? Ouais. Et tu vois, tu es né une année de football. Ouais, voilà, t'es né l'année. Toute ma vie, ça m'aura suivi cette merde. Ouais. T'es né comme ça, t'es né pour le foot, Sandro. Et quoi, donc il n'y avait pas d'Eurovision? Non, il n'y a eu que l'année, que la Coupe du Monde. Oh. Arrête de mentir. Il n'a pas eu cherché, là. Il y a l'Eurovision tous les ans. Comment tu veux une carotte? Ça se fait pas pour ton chouchou roux, là, que tu fais, hein? Ah mais j'y peux rien, il est par hasard. Rouchouche. Eurovision 1982. Allez hop, qui est-ce qui a gagné le concours de l'Eurovision 1982? Fut la 27e édition, sans branle. Concours des jeunes musiciens. Mais gagnant ou vainqueur? Ah, je sais pas, oui. Ouais, sinon, tu tapes Eurovision Wikipédia, c'est rassuré. C'est bon. Attends. Allez, on se met la Russie en attendant pour patienter. Bah, vas-y. C'est bien, hein. Sérieux, on se plaint de la variété française. Mais la variété russe, c'est pas terrible. C'est dur aussi, hein. Ça ressemble à la variété française d'il y a 10 ans. C'est un peu ça. Et par contre, les Espagnols ont un très, très, très gros problème avec la musique. Quoi ? Parce qu'à la radio, sur l'équivalent d'énergie, qui s'appelle Los 40 Principales, t'as... Quoi ? Los 40 je crois, ils l'appellent. Hein ? Top 40. Ah, ou ça a peut-être changé, ouais. Mais je sais qu'il y a 2-3 ans, c'était Los 40. Ouais. Principales. Principales. Ah, Shania Twain. Bon, ah oui, oui, oui. Tan, tan, tan, nan, nan. Ah ouais. Ah, c'est ça. Et genre, c'est le tube, c'est le truc qui Let's tourne. Let's go, girls. Ouais, c'est ça. Ils ont 10 ans de retard sur la musique. Ah oui, non, mais les Espagnols, ouais, ouais, non. Oh, c'est vrai, c'est rare. Enfin, c'est long. Bon, Sandro. Ouais. 1982. Oyez, oh, yeah, oyez. Oh, yeah. T'as le son. Oui, 20 secondes. Pas encore dans l'Europe. Ouais. La France ne participe pas au concours, ce qui provoque un tollé. C'est la Suède qui gagne avec Nicole. Donc ça, c'est le nom de la chanteuse. Skröv et Tullu, quel bel. On n'est pas loin, c'est Eine Bischen Frieden. Alors, c'est assez allemand pour toi, hein, on dirait. Hein, ouais. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, elle est allemande. Hein. Alors, je vous fais écouter. Hein, donc, alors, attention, c'est ça. Donc ça, c'est la merde... De 1982, à l'Eurovision. Quand Sandro est né. Voilà, c'est un peu ça. Qui a gagné l'Eurovision. En hommage à Sandro, ouais. Ouais. Oh, c'est dur. Putain. Oh, c'est dur. Le truc à l'Eurovision, c'est dur. Hein. On voit la vidéo aussi pour ça. Oh là là là là. Enfin, même la musique, c'est dur. Vas-y, avance un peu. Attends, on est plus loin. C'est chiant. Attends, ça va commencer à chanter là. Artur Berazaoun. Bah, c'est complètement frais. Ah oui, mais c'est bien, hein. Ah ouais, pour 82, la musique est bonne quand même. Pour fêter ma naissance, je trouve ça sympa, c'est frais. C'est chantant, c'est joyeux. C'est beau, oui. Quelle horreur. Tu peux l'avoir pour 5,99€ ou la chanson. Ah bah alors là, mais on va pas. 5,99€ Ils se font gonfler quand même. Ouais, c'est bien, attends, il y a un refrain. Alors, il n'y avait pas la France. Non. Mais tu n'arriveras pas à savoir ce que c'est que le refrain. Ouais, bon, c'est chiant. Ouais, c'est de la merde. Je pense que ouais, c'est chiant. Bon, allons voir la Finlande aujourd'hui. Allez, la Finlande aujourd'hui donc. Oh là là. L'accordéon derrière. Oh, ça aussi, c'est dur. Hein. Hey, hey, hey! Allez, ça c'est dur. Bon, allez, c'est pas grave, terminons avec les Pays-Bas. Oh, c'est dur. Non, je suis amoureux de toi et j'oublie tout. C'est beau. C'est ce chiant, c'est avec notre argent encore. Ça. Ah oui, bah oui, mais enfin bon, Raoult, t'as qu'à pas donner. Hein. C'est l'argent de tous les Européens qu'on a rendu ouais. À la Grèce. T'as qu'à frauder le fisc. Ouais, non. Comme ça, tu donneras pas l'argent, tu seras bien content comme ça. Bon, allez, retour dans un petit instant avec Raphaël et Pierre pour le question pour une réponse. Et attention, je vous le donne en mille. Mm-hmm. Élise et Luc jouent toujours dans le standard. Allez, Élise et Luc. Faire de la pub, oui. Élise et Luc. Félicia. Ça va, il est au téléphone. Ça va toujours. Il est avec sa mère au téléphone. Hein. Ah bah oui. Non, oui. Je suis avec Elisabeth. Ça va voir. Élise et Luc, ça va toujours là. C'est long. C'est long, hein, ouais. Ils attendent quoi? Ils veulent quoi? Bah, rien. Ils ont qu'à raccrocher, qu'ils sont bêtes. Mais non, ils auraient promis un cadeau à chacun. Ah, bah bon. Ils ont qu'à m'envoyer un mail. Si t'étais pas sorti pendant l'antenne, et bah, tu le saurais. J'ai cherché des cafés pour l'équipe, putain. Ouais, pour l'équipe, voilà. Mon cul, ouais. Pour t'as envie de fourrer, c'est pour ça que t'as été lui chercher un café. Parce que Roux et moi, on l'a pas vu ton café, hein. C'est juste pour ça, ouais. Bon, Élise et Luc, ça va arriver, hein. Oui. Allez, patient. Hein. On va faire. En fait, il fait ça, Micha, pour pas bosser, il attend qu'il raccroche. Ouais, c'est ça, exactement. Les auditeurs raccrochent. Hein. On peut faire des paris, c'est comme les paris sportifs. Est-ce qu'il sera encore là à minuit, dans 18 minutes? Non, mais sachant qu'il y a 2h10 pour Élise et 1h58 pour Luc. Alors 18 minutes, hein, on n'est pas à ça. Parce que normalement, les censés quand même. Même s'ils n'ont pas gagné de cadeaux, les reprendre et leur dire merci d'être passé. Ah ouais, non, Micha, c'est bon. Et en plus, Élise a cours demain. Ouais, mais... Micha était au téléphone avec Elisabeth, l'amour de sa vie. Ah, bah oui, mais je peux pas être au four et au moulin. Comme on ouais, dit. C'est ça, ouais. T'es pas au four et au moulin. Ouais. Enfin, il peut pas être à fourrer surtout. Élise et Luc, je vous repasse Micha au standard. Bon courage. Merci. Ça va bien se passer. En tout cas, c'est beau parce que Élise a eu 18 minutes de temps d'antenne et 2h11 d'attente. Oh, putain. Alors que le pauvre Luc, hein, il a eu 1h58 d'attente pour seulement 5 minutes d'antenne. Ouais, ouais. Encore, j'ai pas dit grand chose. Ouais, bon, enfin bon, on va pas te revoir. 5 minutes, hein, mec. Ah, bah, 5 minutes, c'est cher hein, sur l'énergie, il faut le savoir quand même. Voilà, appelez-nous. Allez, ouais, mais attends, le numéro est gratuit, il faut quand même nous dire ça aussi. 0800 70 42 48. On se met un nouvel écran pub, on revient juste après avec Black Eyed Peas, Missing You. The Black Eyed Peas avec Missing You sur Énergie. On se mettra, comme je l'ai promis à la semaine dernière, un petit Green Day qui arrivera tout à l'heure. Donc, comme quoi, je tenu parole. Hein, Anne, grâce à toi, parce que je fais complètement oublier. Hein. C'est bon que j'ai vu le message sur le groupe Facebook tout à l'heure. Sinon, j'aurais zappé. Mickaël.fr, cliquez sur la communauté d'ailleurs pour venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et bravo à Micha qui a enfin raccroché avec les deux auditeurs, Élise et Luc. C'est beau. C'est beau. Plus personne n'y croyait, mais c'est beau. C'est mon travail en même temps. Ah ouais, c'est ça, c'est ton travail, t'as raison, ouais, c'est ça. Bro, on te dérange pas ? Ah oui, pardon, parce qu'il est entre eux, donc il est là, la cool, les pieds sur la table. Ah oui, il y a une très belle interview, enfin, un très, très très bon reportage sur Zaya. Donc... Ouais, il est. Non, il c'est est, le truc, c'est un mec d'Arnold et Willy. Ouais, je vais Willy. Pas vous C'était Willy ? Ah, ouais. C'est Willy ? D'accord. Ouais, bah, je vais pas vous raconter sa vie, puisque tout le monde va chialer. Ah d'accord, ok. Bon, alors, ne racontons pas. Okay, bon, on va donc jouer aux questions pour une réponse. Oula, il y a du bruit. Pierre ? Oui ? T'as la radio derrière toi ? Ouais. Ah, coupe-la s'il te plaît, Pierre. Ok. Ah, mais ça, si Micha disait aux auditeurs de ne pas mettre la radio, il la mettrait pas. Je le répète 20 fois la même chose. Mais comme il fait pas son travail, bon ben voilà, du coup, ils ont la radio derrière. Ouais, mais il va raccrocher avec les deux autres, donc il peut pas tout faire. Ah oui, c'est vrai. Pierre de Versailles. Ouais. De l'autre côté, Raphaël. Salut Pierre. De l'autre côté, Raphaël de Prouvy. Salut Raph. Salut. Tu veux jouer avec qui, Raph ? Avec Toff. Avec Toff. Pierre, tu veux jouer avec qui ? Avec Larousse. Avec la rousse. T'inquiète. Allez, t'inquiète. Bah justement, il s'inquiète peut-être un petit peu, tiens. Allez, c'est parti. Le question pour une... Réponse. Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Question pour une réponse. C'est parti. Nous allons pouvoir. Il y a un petit message qui est arrivé de Thibaut qui dit Toff, t'es qu'un sale pervers. Je sais pas pourquoi. Moi aussi je t'aime Thibaut. Mais voilà. Je peux t'initier si tu veux. En tout cas, c'est dit. Coupe la radio, Pierre. Elle est coupée là. Hein. Ah, parce qu'il y a des bruits bizarres derrière. Bon, je vous rappelle pas les règles du jeu ou vous en avez besoin ? Non, c'est bon. Parfait. On y va, première question. Je rappelle juste que Raphaël a décidé de jouer avec Toff et que Pierre a décidé de jouer avec Larousse. Première question. Top ! Je suis une sorte de pièce où l'on peut... Pierre. Quoi ? C'est quoi ce bruit derrière toi à chaque fois que je parle ? Mais il n'y a pas de bruit. Bah si, moi j'ai un bruit. Attends, bon. C'est le haut-parleur. T'as le haut-parleur ? Ouais. Ah bah coupe le haut-parleur. Ah, il va pas pouvoir tricher. Eh ouais. Voilà. Pas je me disais bien que j'entendais un bruit. On recommence. Attends. Il faut couper le haut-parleur. Et pas la radio. Voilà, ne prends pas kick main libre, faut tout dire. Voilà, prends juste le combiné collé à l'oreille. Voilà, c'est tout, c'est parfait comme ça. Donc on y retourne. Attention. Top, je suis une sorte de pièce où l'on peut y fourguer tout ce qu'on a ou ce qu'on possède. Kajibi. Non. Non, je ne suis pas une chatte Toff. Je suis une grande entreprise qui fait du commerce avec de l'argent. En effet, je reçois des capitaux placés sur des comptes. Oui. Ah, il va me sauver. La banque ? La banque, bonne réponse. J'échange de la monnaie, rajoutez-moi un haut et je suis un petit jeu à gratter. Je sers à stocker votre argent et on vous distribue des cartes afin de les dépenser. Je suis donc une banque. Bravo Roux. Bonne réponse et un point pour Pierre et Roux. Deuxième question. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Oui, mais enfin, il faut répondre. Top, je suis une ville portuaire de l'état du Guerrero au Mexique et je suis située à 400 km de Mexico, qui est la capitale... Oui. Cancun ? Non. Qui est la capitale mexicaine dans une baie profonde, semi-circulaire, presque fermée. Ma population, après le recensement de 2005, elle a un peu plus de 800 000 habitants. Je suis connu comme un carrefour de voyageurs depuis au moins un millénaire. Et mon nom signifie « Région des roseaux denses » en langue nahuatl. Non, c'est dur. J'ai également participé à une série qui s'appelle « Agence à moi ». Oui. Acapulco, bonne réponse. Où de belles femmes en maillot se trimbalaient sur la plage. Je suis donc... Acapulco, un partout. Très très bonne série si tu voulais mater du nichon. Ah ouais, ouais. Mais il y avait que ça parce que les histoires c'était pas. Ouais, mais c'est du nichon des années 80. Ouais, ouais, ce qui me faisait halluciner. Oui, bah, c'est dans les années 80. Hein. Et les yeux verts de la meuf. Ouais, la blonde, ouais. Alors tu te souviens pas de Sandra Kim mais de ça, ouais. Ah ouais. Acapulco, mais attends, c'est nos premières branlettes. Ah ouais, non. Enfin, bon. Allez, dernière question, un partout. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Attention. top. Je suis né le 8 juin 1977 à Atlanta aux États-Unis. Je suis un artiste et producteur de musique. Après m'être fait connaître, oui. Quincy Jones? Non. Sur l'album de Jermaine Dupri, j'explose. Michael Jackson. Non. En 1877, ouais. J'explose littéralement et deviens un des chanteurs, des producteurs les plus connus dans le monde du hip-hop américain et mondial. J'ai travaillé avec de nombreux artistes comme DMX, Ludacris. On peut faire pause. Le mec, il est né en 1877. 1977. Ah. Bon. Pierre. Oui, Pierre. Jay-Z, mauvaise réponse. Ludacris, Alicia Keys ou encore Janet Jackson. Timbaland. Non, sœur du regretté Michael Jackson. Vous connaissez certainement. Janet Jackson. Mauvaise réponse. Latoya Jackson. Non plus. Pierre. Germaine Dupré. Non. Vous connaissez certainement mes chansons comme All Falls Down, Jesus Walks ou encore Stronger en trio avec les Daft Punk. Ah oui. J'ai le prénom d'un membre de South Park et le nom d'un des points. Kenny Ortega. Non. Presque. Pierre. RKD. Non, j'ai le prénom d'un membre de South Park. Pierre. Toff. Non, Raphaël, pardon, excuse-moi. Kenny West. Kenny West, bonne réponse. Attends, il y a un problème dans l'énoncé. Bah non, qu'est-ce qu'il y a encore? Sœur du regretté Michael Jackson. Non, ou encore de Janet Jackson, sœur du regretté Michael Jackson. Ah oui, mais si vous m'aviez pas interrompu en milieu de la phrase, vous aurez compris plus facilement. Victoire de Raphaël et Toff. Bien joué, Raphaël. Et Toff. Heureusement que le roux au début a dit ouais, t'inquiète. Ouais, c'est pas grave. Sur normalement, son drôle fait caquette. Mais... Un vrai drame. Quoi? Bah, quand tu t'inquiètes, normalement son drôle fait caquette. Mais... Ah oui, t'inquiète, caquette. Okay. Bon, Raphaël, c'est gagné. Je te renvoie chez Michel au standard. Ok, merci. Et je peux passer une dédicace? Vas-y. Alors, je passe une dédicace à Rémi qui m'écoute. Ouais. Et à toute la 3ème DPA de Dampierre Valenciennes et au lycée Dampierre de Valenciennes. D'accord, et écoute, le message est passé, pas de problème. Okay, je peux passer une dédicace. Vas-y, ouais. Je passe une dédicace à tous ceux qui m'écoutent du collège Blanche de Castille au Chenet. Voilà. D'accord. Et je pouvais te demander, est-ce que tu pourrais passer en son de la cave Anthony and the Johnson, s'il te plaît? Ah, je connais pas, tu peux me l'envoyer par mail si tu l'as? Ouais, c'est quoi ton mail, s'il te plaît? M-I-K-L. Ouais. mikl.fm. Ok, merci beaucoup. Bon, bah tu m'envoies ça et puis j'écouterai ça sans problème. Merci à toi, Pierre. Ciao. Salut. À bientôt. Et retour du question pour une réponse demain même heure. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt de pour rien. Une nouvelle partie de questions pour une réponse. Et avant de se mettre un petit son requiès, The POLO Show. Ok, section d'assaut pour Po Show. Et j'ai dû côtoyer le pavé. C'est pas vrai, pas mal, désolé. Ah, il chaud. Petit polo chaud. Je suis pas si petit que ça. Je ne suis pas petit, je suis grand. Bienvenue dans le polo chaud, j'espère que tout le monde va bien. On vient de commencer le polo chaud, on va le commencer dans quelques instants. Juste le temps pour nous de nous écouter un peu de pluie, on se retrouve juste après. Il y a du bonjour. Oui, du bonjour. Ces derniers temps, la vie est plus chère. C'est pourquoi nous, les Finlandais, on a inventé le fait de travailler plus pour gagner plus. Voilà, ça nous rafraîchit le portefeuille et ça dégage le compte en banque. Et qui c'est qui l'a inventé? Je crois que c'est le François. Et qui exactement? Nicolas, il pense à votre argent. Il invente des réformes de taré et il est président de la France, naturellement. Nicolas. Salut, c'est les plasticines. On ne s'en débarrasse pas, ils nous collent à la polo show. Bienvenue pour une nouvelle expérience. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le polo show, vous allez écouter quelque chose d'un peu bizarre. Ne vous formalisez pas, essayez de prendre du plaisir à l'écouter. C'est comme une masturbation. Et puis si vous prenez pas de plaisir, c'est la vie, hein. On l'essaiera demain. Qui est là? Oui, Polo, c'est moi. Salut, oui, je suis ravi. Bonjour, moi. Alors, je voulais en fait. Il change pas, je lui dis bonjour moi, il dit pas non, attends, je m'appelle pas moi. Oui, non, mais ça va, tu vas pas commencer à faire ton relou, laisse-moi parler. Le chanteur de berceuse. En fait, tu vois, comme c'est très tard, quand on est sur elle-même. C'est pas possible ça. C'est quoi? T'as pas de prénom, t'as honte, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. T'as honte que ton pote, tes potes ou ta famille t'entendent? Il y a de ça aussi, mais c'est pas ça. Il y a de ça aussi, donc le mieux c'est que je te raccroche. Non, mais attends, t'as pas entendu la berceuse. Et dis ton prénom. Bon, alors c'est Michel. Mais non, c'est pas vrai. Personne s'appelle Michel. Mais si, moi je m'appelle Michel. Tu t'appelles pas Michel, c'est quoi ton prénom? Je viens de te dire, c'est Michel. C'est quoi ton prénom? Moi. D'accord, c'est René. C'est pas vrai, tu t'appelles pas René. Bon, alors tu veux que je m'appelle comment? Bah, ton vrai prénom. Mais j'en ai pas. C'est René, peu... Enfin, bref. Tu vois, il fait malin. Je déteste. On dirait... Bon, c'est quoi ton prénom? Alors, attends, j'ai pas fait quoi? Jean-Luc. T'as fait ça, ça? Qu'est-ce qu'il est nul. Mais qu'est-ce que t'es nul. T'es de la merde. Attends, voilà. Je t'appelle pour... Attends. Tu es de la merde. Oui, non, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est quoi ton prénom? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai pas fait? Allez! Oh là là! Bon, réfléchis un peu. Hein. Oh là là. Qui est là? Salut, Polo! Ah! Le célèbre, the famous, ouais, Jonathan. C'est moi, ça va, Jonathan? Ouais, ouais, ça va. Et comment tu m'as appelé? Jonathan? Ah non, c'est pas Jonathan. C'est quoi? Bah, ici. Ah non, je m'appelle Jonathan. Ah, Jonathan! Non! Jonathan! Jonathan! Non, Jonathan, avec un chien comme Jonathan. Avec un chien comme Jonathan? Ouais, bon, je comprends, hein. Qu'est-ce que tu veux, Jonathan? Ah, mais moi, je voulais dire que... Je voulais savoir si t'avais l'adresse de la fille, là, du cadeau d'anniversaire de Franck Ribéry. Ah, non, avec qui? Parce que j'aimerais bien que mes copains... Enfin, si j'avais des copains, j'aimerais bien qu'ils me l'offrent pour mon anniversaire. Jonathan, elle est un peu chère, hein. Va falloir en casser des tirelires. Ah, mais ouais, moi, je m'en fous, c'est pas moi qui paye, c'est mes copains quand j'en aurai. Est-ce que ton copain, c'est un gros qui a un compte à la poste? Ah non, lui c'est pas mon copain, lui c'est mon cousin. Ah d'accord, parce que tu sais qu'il est sans le sou. Ah bon? Bah oui, ça coûte cher une fille comme celle des footballeurs. Tu parles de l'autre qui a un compte au Crédit Lyonnais. Quoi? À la poste. Voilà. Avec celui qui a eu un trou dans les cheveux. Un trou dans les cheveux. Mais je sais pas de qui tu parles. Bon, alors, c'est pas grave, revenons à Zaya. Ouais, à nos moutons. C'est une fan raciste que tu viens de faire. Elle s'appelle comment tu dis toi? Zaya s'appelle. Oh putain, elle a un nom de pute quand même. Hein. Ah, elle a un nom, t'as trop envie. Bon, Jonathan, arrête de me prendre la tête, qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais savoir si t'avais son numéro. Mais non, pas. Jonathan, je ne fréquente pas ce genre de fille. Mais tu peux pas l'appeler, pour moi. Et je sais pas où elle est. Eh, moi aussi, la dernière fois, j'ai essayé de sortir au club, là, le Zarma. Ouais. Bah, je n'ai trouvé personne. C'est pas le Zarma, c'est quoi? C'est le Zaman. Ah, c'est pour ça que j'ai... Mais c'est fermé depuis, Jonathan. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais rien, bah, à ton avis. Ah, mais je sais pas, ils avaient pas payé les loyers. Exactement, Jonathan. Ah ouais, mais c'est normal aussi, hein, faut payer le loyer. Hein. D'accord. Bon, ma maman, elle me dit toujours, Jonathan, faut payer le loyer. Sinon, c'est pas bien. D'accord. Merci, Jonathan. Ouais, je t'en prie. Et c'est Jonathan, hein. D'accord, Jonathan. Jonathan. Avec un chien comme Jean. D'accord, merci, Jonathan. Voilà. Salut. Au revoir. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. T'as retrouvé ton prénom ou pas? Oui, alors attends, donc c'est Eric. Non, c'est pas vrai. Bon, alors écoute, j'étais venu pour te sauter une dernière fois. Non, casse-toi. Non, mais attends, il y a un moment donné, soit il dit son prénom, soit il a honte. Il a quelque chose à se reprocher. Dégage d'ici. Qui est là? Salut, monsieur. Comment va? Polo. Je vous écoute. Eh ben, cache ta joie. T'as pas l'air heureux. Si, je suis très heureux. On a fait une fête, là, avant que t'appelles, là. Ah bon? Confetti et tout. Ouais, bah, dès que t'appelles, c'est la fête. La roue, il a fait péter une bouteille de champagne et tout. Polo, je m'en branle. Est-ce que tu racontes? Très bien. Alors, vas-y. Quoi? Et tu sais quoi, Polo? Eh ben, ce week-end, je suis invité. Ah! À quoi? Ouais. Je suis invité. Au Zaman? À une bar mitzvah. Sérieux? Ouais. Ben, c'est bien, félicitations. Polo? Oui? Il faut que je m'achète un costume. Et bien, je suis pas un vendeur de costume, tu veux que je te dise quoi? Elle est là, Sadra. Sadra, elle est là, ouais. Elle a, tu sais que tous les soirs, elle attend cet appel avec impatience. Oui, bah... Tu sais qu'elle me dit, elle te demande. Elle peut me conseiller pour le costume? Ah bah, vous avec elle, elle est là. Écoute, je crois bien. Ouais, Tarzan, ça peut le faire. Tarzan. Un slibard, ouais. Et c'est pas un truc costumé, hein. Ou alors un dindon, tu te mets une plume dans le cul. Je crois que t'as pas compris. Quoi? Sadra? Non, j'ai pas compris alors. Il veut un déguisement? Sadra? Oui. Vous arrêtez votre monologue, Sadra? Oh, oui, monsieur. Deux, donc c'est pas un monologue. Oh, Polo. Allez, on y va. Sandra. Je suis invitée. Comment je dois m'habiller? N'y va pas, ça fera plaisir aux gens. Ta gueule, toi, le rouquin de merde, tu pues avec ton club. Alors, vas-y, Sandra, je t'écoute. Je t'écoute, Sandra. Il te faut un déguisement ou pas? Non, il faut un costume. Ah, t'es costume ou quoi? Eh ben, tu vas chez CEA. Je m'habille pas là où s'habille le roux. Ça se voit, mec. Ta gueule, le roux, j'ai déjà dit que je te pisse à l'arrêt. Alors, bon. Vas-y, Sandra. H&M. Mais non, je vais pas là où t'as... On va pas faire toutes les marques, là. Calvin Klein, j'ai beaucoup de costumes. Putain, on sera dans la merde pour aller faire les poubelles. J'ai rien compris. Mais... oui, mais moi, j'ai compris. Hé, Sandra. Ouais. Bon, bah, je t'aime, chouchou. Ah, c'est mignon, ça. Voilà. Hop, belle ça conclusion, bravo. Non, gueule, tu laisses ma gueule tranquille. Oh, monsieur, c'est pas possible, allez, dégagez d'ici, ça s'achève le polo show. Non, mais on peut pas le laisser, là. Ça s'achève. Non, c'est pas ça que j'ai dit, mais on peut pas le laisser. J'ai expliqué qu'on pouvait pas le laisser continuer, quoi. Parce que c'est pas possible. Non, mais t'as raison. Il y a un moment, Tous les soirs, hein. Tous les soirs, ça devient. Monsieur, ah bah, il vous arrive. Il aura pas le cancer de la prostate au moins. Polo. Quoi? C'est pas possible, monsieur. Tu préfères que je parle de la facial de la ronce ou de foot? De facial. Allez, au revoir, monsieur. Il n'est pas solidaire. Tu sais, moi, le foot. Allez, s'achève le follow show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car grâce à eux, tous les soirs, je suis dernier. Et ça, c'est beau. Allez, et ça, hop, c'est beau, effectivement. Parti. Allez, passez une bonne nuit, tout le monde. Rockard demain, 21h, comme d'hab. Et puis, on va se quitter avec un son qui avait été demandé par Anne sur le groupe Facebook. Là, Green Day maintenant, Basket Case. Ciao, tout le monde. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Or am I just stuck? I went to a shrink to have a look at my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Minuit. 21h minuit sur Énergie et sur MIKL.fr.